20h-23h, Mickaël. Just Dance. Goom Radio. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est mardi, et qui dit mardi dit... Ravioli. Non, Champions League. Voilà, c'était presque ça, hein, mais c'était raté pour le coup. J'avais un autre mot en i, mais je vais m'abstenir. Émilie. Cuny. Ouais, Cuny. Ah d'accord, tu veux, je vais trouver quand même. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec... il a neigé aujourd'hui sur... Bon, rien n'a plu, hein, mais j'ai l'impression d'être à la montagne. Oui. Ah bah oui, non mais c'était impressionnant. C'est tombé sa race, à tel point que Cécile a eu deux tanasses aujourd'hui. Non mais c'est la pire journée de ma vie depuis cette année 2010. Quand on est reparti, on a eu des gros soucis de voiture. Est-ce que vous vous souvenez de... Comment est-ce qu'elle appelle sa voiture pourrie là? Cherry Bomb, mais non, c'est Cherry Boom. Ah oui, non mais vraiment, elle a fait bombe. Voilà, parce qu'il reste, il manque un morceau. Non mais journée noire. Combien j'avais dit? J'avais dit dans au moins 48 heures. Mais tu sais que en fait, c'était pas 48 heures, c'est 48 jours. Oui, c'est vrai. Voilà. Je me suis trompé d'une lettre. J-I-H. Quand on a eu l'accident, elle me fait... Putain, tu vois pas que c'est Mickaël qui m'a porté de l'aide. Je viens d'avoir un accident en moins d'un mois. Ça n'a rien à voir, c'est juste toi. Arrête un peu. Non, on avait dit deux semaines. Là, c'est moi. Non, mais c'est vrai que pas de cul. Je me réveille, je vais chercher ma cherry bomb. Plus de batterie. Donc, Émile m'a rejoint. Heureusement que Jean-Baptiste... Et Jean-Baptiste, si tu m'écoutes, merci. Un jeune homme s'est arrêté. Il m'a gentiment branché ma batterie et j'ai pu repartir. Et un quart d'heure après, bang, avec une espèce d'alcoolique, voilà, qui voulait juste mon numéro de téléphone pour me revoir. Et te pécho. Ah oui, mais pécho. Le mec m'a dit non, mais c'est pas grave, on se revoit demain. Au moins, j'ai au moins un prétexte pour te revoir. J'ai dit, mais je m'en tape. Ah oui, mec. C'est vrai que. Oui, putain, j'avais oublié ce détail. Et c'est oui. vrai que t'as eu un petit plan là. Ouais, j'ai un petit plan en tout cas. Donc ouais, demain, comme je il était vois. Laid, le mec. Ouais, il est horrible. Ouais, tu l'as vu toi, Émilie. Mais elle était avec moi. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, j'ai eu très peur parce que s'il avait tapé super fort, je pense qu'Emilie aujourd'hui serait cul-de-jatte. Non, mais c'est-à-dire que dans une smart, ouais. J'ai vu imprimer. J'ai vu arriver la voiture et je me suis dit, bah, dis bye bye à tes jambes. Hein. J'avais fait un dernier bisou à mes cuisses et je l'ai vu arriver. Ouais, là c'est le... Mais à coup sûr, t'es tétraplégique. Mais c'est solide. Non, mais tout à l'heure, Mika, tu disais que c'était solide la smart, mais j'avais pas l'impression, je te jure. Alors là, pour le coup, effectivement, j'avais pas l'impression non plus. Mais pour avoir été. Percuté par un train. Non, pas du tout. Mais il y avait une copine qui a été acheter une smart. J'avais été avec elle chez le concessionnaire et je lui avais dit, tu sais, moi je le mets, je le chauffais. Je lui dis, je dis, ouais, mais bon, ça veut dire qu'on se prend une vraie voiture et on est mort là-dedans. Il me dit, bah non, mais pas du tout. Regardez, enfin, bref, il m'a montré. Et en fait, il y a effectivement ce qu'on appelle les arceaux, enfin bref, les contours de la voiture entre guillemets, qui sont super solides. Alors effectivement, t'as l'impression que la voiture c'est une voiture en plastique, qu'avec un coup de vent tu te retournes. Alors ça c'est pas faux, mais je veux dire, si tu te prends un camion, t'es mort. C'est hein, une ça, carcasse c'est sûr. Quoi. Enfin, c'est ouais, vraiment non, mais une non mais t'es protégé, c'est-à-dire que tu sais, si jamais tu te retournes, par exemple, t'es pas aplati comme une crêpe, par exemple. D'accord. Parce que le truc il est solide. En fait, c'est les mêmes matériaux qu'il y a dans les Formule 1. Donc tu vois, si tu veux, le truc il est solide. Quand mais même. Par contre, le pare-choc, pas du tout. Ça c'est du plastique, il s'est pété en deux. Oui, quoi. Mais bon, le pare-choc c'est pour, c'est un truc qui est censé éviter les chocs, enfin pas éviter les chocs, mais comment dire, que les chocs soient moins violents, quoi. Là pour le coup, ça va, j'ai encore envie, donc finalement il devait marcher le pare-choc. Oui, bah, voilà. Mais moi je voulais demander au corps s'il savait faire l'autre. Oui, tu sais faire quoi? Tu sais faire? Ouais, s'il te plaît. L'œil, en fait, c'est en Corse, on voit, on regarde dans, je sais plus, c'est dans l'huile ou, enfin, après, c'est un truc spécial c'est qui ça, se transmet ouais. De génération en génération, et moi, la seule qui savait le faire dans ma famille, c'était une grande tante qui est morte. Tu peux l'apprendre que le soir de Noël. C'est pour regarder, en fait, si quelqu'un, exactement, t'a foutu l'œil. Mais c'est non! C'est une tradition. Ah bah, quelqu'un tombe bien, parce qu'on est le 7 décembre, dans 15 jours, tu vas pouvoir, dans 15 jours, c'est Noël, d'ailleurs. C'est vrai qu'il pourra m'apprendre, mais bon, je vais pas être avec lui le soir de Noël, c'est banal. Ah oui, c'est vrai qu'on peut. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai que le téléphone, t'as vu, c'est magnifique. Une copine quand même. A toujours voulu me le faire, mais j'aimerais bien, si tu sais le faire, que tu me le fasses un soir. Ouais, je te le pour fais. Pour voir si j'ai l'œil. En fait, tu vois, s'il y a un truc spécial qui se dessine, après, c'est que ceux qui savent le faire. Non, c'est une après, t'as trois façons de le faire. Si t'as, bon, la première façon, c'est déjà, tu le sais si tu l'as ou pas. C'est la prière avec ton nom et ton prénom. Ouais. C'est quoi? Voilà. C'est quoi? Bah, je peux pas le dire. Ah oui, d'accord. Et après, si tu es vraiment bien imprégné par l'autre, c'est avec l'assiette, l'huile. Ouais, moi c'est ça que ça va faire ma tante. Ouais. Non mais c'est tout le monde sait faire ça, hein, mais c'est vraiment quand tu es imprégné par l'eau, que tu as le sort qui. Non mais parce que d'accord. Là pour le coup, attends, que des tanasses. Que ah des oui, tanasses. Que la des truc tanasses. Qui tombe en panne, ah, un ouais. Accident. C'est terrible, c'est une journée. Non, mais alors là, il y a Tania qui me marque. Cécile, tu sais que c'est 3 points sur le permis refus de priorité, c'est vrai ça? Ouais. Parce que j'en ai déjà perdu 2. Ah bah ça, si tu te fais choper par des flics, c'est pas sur un truc d'assurance. Non, mais je pense que le mec sur le constat, je vais lui dire, sois cool mec, ne dis pas que j'ai... Exactement, c'est sur le croquis qu'il faut que tu fasses gaffe. Mais c'est moi, le problème c'est que il est tellement con ce mec, il m'a laissé le constat avec sa partie et la mienne. En fait, elle a dessiné un plan de Marseille avec des regrets à voir. C'est ça. J'ai dessiné une... Sur le vieux port, donc voilà, c'était comme ça que ça s'est passé. Regardez, sur le vieux port, je descendais la rue là et puis l'accident. Ah bon, mais ça ressemble pas à Sèvres. Hein, C'est une salope, si elle peut l'enculer le type. C'est ce que j'ai dit ce matin. Je lui dis, vas-y, déchire le constat et puis. Mais non, mais ma mère elle m'a dit non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, bien sûr, c'est pas bien. Mais après, tu es une personne honnête. Non, mais je pense pas que je vais l'être parce que si l'assurance me prend beaucoup, moi ce que je veux savoir, comme tu me disais, Mickaël, d'aller demain par exemple chez un mécanicien. Ouais. Et si le mec il me dit ça va te coûter tant. J'appelle mon assurance, je lui demande également... Dites-moi, monsieur, si jamais je fais un accident, combien ça me coûterait? Que j'ai brûlé une priorité... Et puis ça dépend le contrat d'assurance que tu as. Non, mais voilà, ouais, ça dépend. Ça dépend pas mal. Si vous êtes assureur, par exemple, venez nous en parler. Ou si vous êtes des vieux assureurs également, venez nous en parler. 01 55 64 13 25. Voilà, donc Mika va bien également. Mika va... Le même bonnet que Cécile, mais en gris. Ouais, c'est ça. Ils sont frères et sœurs. Ouais, non, dis pas ça. Non, mais fait de plus en plus, on vous fait remarquer qu'il y a des similitudes. Non, voilà, vous allez nous annoncer votre mariage ou pas? Voilà, on a une grosse séance à faire, mais pas ce soir. Bah, le seul point positif du mariage, c'est qu'il y a le voyage de noces, donc on l'a tranquillement 3 semaines après. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le côté positif. Et un petit indice dans ce que vient de dire Cécile. Ah! Il a dit quoi? Nous n'en dirons pas plus. Au canard, parce qu'en plus de ça, ce week-end, si vous vous rappelez vendredi, ma dernière phrase, j'étais indisposée. C'est vrai. Donc, nous n'en dirons pas plus. On n'est pas indisposé des fesses, hein. C'est vrai. Bon, ce soir, rappel coquin et journée internationale, on aura aussi du son, évidemment, avec Timberg. On aura également Pitbull. Voilà, c'est ça que je cherche avec K-Baby. Il y aura Peter Lutz également. On passera le son de Chris Brown, le dernier. Martin Solveig aussi. Nelly qui va débarquer d'ici quelques instants. On parlera aussi. Alors, ça vient de tomber là. Enfin, c'est tombé aujourd'hui en l'occurrence. Apparemment, il y aurait TF1 qui aurait fait de la censure. Bon, on a l'habitude, hein, vous me direz. Mais c'était dans cette grande émission là. Qui veut épouser mon fils? Grande émission. Que c'est censuré. Tout à l'heure. Bah, en fait, il y a des gars. Bon, j'en parlerai tout à l'heure. Mais si vous regardez, dites-nous. Tiens, 01 55 64 13 25. Il y en a qui regardent ici aussi. Oui. Qui veut écouter mon fils? Moi, je regarde. Moi, j'arrive, c'est la fin, vu qu'on est là. Ouais, mais t'as l'air tif la nuit. Ah non, mais je vais pas me taper ça, c'est dur. Tu sais ce que je veux faire, moi? 2h30 du mat. Avec un pote, on s'est dit qu'on se ferait genre la session en entier. Tu sais, sur tout TF1 replay. Mais je pense que je l'ai dans l'os, là, pour les premiers épisodes. Bah non, je crois qu'il laisse. Je crois pas que ça reste longtemps. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, à mon avis, ça reste une semaine. Ouais. Et dès qu'il y a un nouvel épisode, ou peut-être deux, je sais pas. Bah, il faut aller voir. Au pire, tu télécharges. Hein. Mais j'ai trouvé un site où tu pouvais télécharger. Mais les mecs, attends, ils enregistrent des trucs, c'est un problème. Ah bah voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est pratique. Bah, je vais me faire bon, ça. Bah dites-nous si vous regardez qui veut épouser mon fils, là, 01 55 64 13 25. Voilà, tout est dit. Ce soir, on aura aussi des cadeaux à vous filer, évidemment, comme toute la semaine, avec ce soir des places pour le showcase de Grey's and Chance qu'on devrait recevoir également jeudi dans l'émission. Si vous avez des questions à poser à Grey's and Chance, n'hésitez pas. Il faudra prévoir des chamallows, des carambars, tout le bordel. Hein. C'est clair. Quel âge il a ce gosse? 2 ans. 12 ans, ouais. Non, 2. Il a deux ans, sauf que c'est le bébé qui parle trop bien, en fait. On va faire son interview, mais c'est ses parents qui vont répondre, parce que je peux parler encore. Bien sûr. Mais tu sais que son titre, il est pas mal, hein, moi j'aime bien. Oui, c'est un bla bla bla. C'est un peu je m'appelle Jordi à l'époque. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais un extrait, il a une voix de fou, le mec. Il vient en pampère, c'est tout, donc ça va être jeudi dans l'émission, donc Grey's and Chance, qui sera avec nous. Et puis je vous rappelle également que si jamais vous êtes alors est-ce que ça vous intéresserait éventuellement de venir taffer avec nous? Moi ouais, j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien. Enfin, c'est déjà le cas, quoique. Attends, avec nous et nous tous là. C'est ouais, voilà. Donc concrètement, on va faire un nouveau truc à partir d'aujourd'hui. C'est en vous inscrivant sur le site, donc sur myfairjob.com, vous allez pouvoir créer votre CV. Donc là, pour le coup, ça va être intéressant. Rassurez-vous, même si vous êtes plus jeune que 18 ans, c'est pas grave. Hein, le but n'est pas de trouver un vrai métier dans ce cas-ci en particulier. On va pas vous garder, on va juste vous exploiter. C'est juste donc de venir, de venir en stage en fait, tout simplement avec nous, le temps que vous voulez. Si vous voulez bosser dans la radio, vous allez vous inscrivez donc toute cette semaine. Et puis la semaine prochaine, c'est là que ça va être le plus drôle, puisque nous allons pouvoir éplucher les CV. Ça va être trop bien. Toi, tu dégages. Donc, c'est toi qui décide. C'est moi qui décide, bien sûr. Et puis surtout, bien sûr, je sais que ça ne se fait pas sur le site, mais c'est pas grave. Dès que vous avez fait le mail, dès que vous avez fait l'inscription sur myfairjob.com, vous me faites un mail avec, je sais pas, il doit bien avoir une référence, quelque chose. Ouais, t'as ton mettez, link, quoi. Et puis vous mettez la photo à côté. Non, parce que je tu m'en peux, servirai absolument pas, bien entendu. Tu peux ne pas la mettre. De quoi? C'est que tu peux ne rien mettre. Tu peux mettre ce ah que ouais, tu veux, peux, ouais. tu peux choisir. Ouais, ouais, tu c'est peux, ça ouais. qui est cool. Donc les moches, ouais. on peut avoir. Ouais, tu peux, ouais. Je me sens concerné. Oh. Les moches, on peut avoir une chance. Que je te connais, tu es cruel. Bah, tu... par exemple, ça... le Corse, lui, jamais il aurait ses chances, tu vois. Ça va être nous dur. Aussi, je pense que j'aurais mis une photo, le Corse. Ça va être dur. En fait, je serais tout seul. Avec la cruauté de. J'aurais mis des miroirs sur tous les murs. Mon Dieu, que je me trouve beau seul. Je me serais parlé à moi-même également. Non, mais c'est bien parce que je suis bien. Les glaces chez toi, elles marchent mal, non? Les quoi? Elles te reflètent pas. Ouais. En général, je les bouffe. Hein. Non, mais les glaces, les miroirs, si tu veux. Ah, les miroirs. On dit aussi les glaces. Non, on dit, on dit non, les glaces, oui. Glace, tu veux ouais, une glace, glace miroir. Pierre? Non, il fait froid. Oh, c'est pas très grave. Donc, hein. Dis donc, le Corse, il est pas censé être puni, la soirée. Si, ouais, il faut que j'y aille maintenant. Enfin, juste bon. Pour te dire qu'elle reflète mal ton image chez toi, c'est dommage. Tu l'as bien placé la balle. Ouais, quatre fois, il a essayé. Il a pas galéré à l'amener, hein. C'est ça. Non, non, il a pas galéré du tout, ouais. Bon, voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez devenir, si vous voulez bosser avec nous en stage pendant quelques semaines, voire quelques mois, donc, myfairjob.com, vous allez vous inscrire dès maintenant et c'est gratos. Et puis, on se met le premier son là maintenant. C'est Nelly avec Just a Dream et on parlera donc de qui veut épouser mon fils juste après. Restez là et la Champions League aussi, on en parlera tout à l'heure, bougez pas. Voilà le son de Nelly à l'instant, Nelly avec Just a Dream. On est là tous les soirs entre 20h et 23h avec la Champions League ce soir. Et oui, avec beaucoup de matchs qui vont se jouer. Il y a Twente et Tottenham, ça on s'en fout. Il y a Benfica qui va jouer face à Schalke 04. Schalke 04, c'est ceux qui a mis une patate à Lyon 3-0 exactement, la semaine dernière. Avec Luis Figo, le mec il y a qui deux est semaines. Voilà. Donc on suit ça. Et puis Lyon à Apoel Tel Aviv également qui va se faire ce soir et le Barça qui joue face au Rubin Kazan. Boum! Donc on n'est pas à l'abri que ça va être des buts encore. J'annonce un score pour Real Barça, je m'étais planté, j'avais dit 3-0, 5-0. Je dis Barça Rubin Kazan 4-0. Boum! 4-0. Ouais. Seulement. Alors qu'ils ont mis 5-0 au Real de Madrid, mais... toi tu crois qu'ils vont mettre 4-0 ce ils sont fatigués. 4-0, ils sont fatigués les mecs hein. Et encore, à mon avis, les Messi et tout, ça joue pas, hein. C'est tranquille, non, sur le banc. C'est l'équipe, je sais pas, voire Z, hein. Ouais. Mais c'est vrai. Ils ont mis des petits frères des joueurs, en fait. Ouais, je pense, ouais. T'as bien joué, on joue contre des brins, en ce moment. Les épouses des joueurs. Non, mais ils ont raison. Les mamies. Ils ont raison, ils vont pas risquer de blesser des bons joueurs pour mais un ouais, c'est ça. Ils sont qualifiés, ils sont premiers. Mais ouais, donc ils en ont rien à foutre. Absolument. Et demain c'est les Marseillais qui jouent face à Chelsea avec le retour de Drogba. Donc ça va être tendu hein. Drogba il revient à Marseille? Non, à Chelsea. Oh, ah merde. Mais oui, effectivement, il revient à Marseille puisque le match fera à Marseille. Non mais il y avait pas eu une campagne de pub à un moment avec marqué Drogba à Marseille? Ouais. Si, mais regarde, il revient. Mais c'était pour un fake, hein. En fait, c'était pour un sandwich au McDo. Ouais, bah là, ça va être pareil, puisqu'il revient pour jouer sur la. Mais il va les tuer. Qu'est-ce qu'il était bon, Drogba. Il avait relevé le niveau de l'OM. Hein. Ouais, bah là, je crois qu'il va bien enfoncer le niveau, hein, je pense. Hein. Enfin, on verra bien demain comment ça va se passer. N'allons pas trop vite. On aura évidemment Elisabeth tout à l'heure. On aura bien sûr le Corsica Show, puisque le Corse est là ce soir. Donc, ce sera tout à l'heure un petit peu avant la fin de l'émission. Et puis, on salue également ceux qui sont connectés ce soir sur le groupe Facebook, il y a Audrey, il y a Fabienne également qui est là, Corentin, Audrey, Sandra, il y a Johan aussi qui est là, ou Johan, je sais jamais comment on dit. Je crois que c'est Johan. Bon bah très bien, Méline également, il y a Anna, Thomas, Vincent et tous les autres. Si vous voulez taper la discute avec nous, n'hésitez pas dans le groupe Facebook, facebook.com/michaelofficiel, ou alors vous appelez directement Vincent qui est au standard au 01 55 64 13 25. Ouais, et mauvaise nouvelle aussi, hein, d'habitude c'est la soirée ciné le mardi, puisque c'est le mercredi journée sortie, donc du films. Coup on en parle le mardi, mais malheureusement Teddy est malade. Donc du coup il m'a envoyé ses dossiers, mais bon on va pas le faire sans lui, c'est ridicule, on va pas faire le quiz ciné sans lui. Mais oui, on peut le faire, il a travaillé pour, tu peux bah lui ouais, le faire. Mais non mais il le fera la semaine prochaine. Ouais, non, t'as raison. Non mais c'est vrai. Mais bon, bref. Bon, il y a Pauline qui dit à la censure de qui veut épouser mon fils, c'est Mathie qui est mort dans un accident de voiture. Oui, mais on en a parlé la semaine, il y a deux semaines ou trois semaines, je crois, je sais plus. Alors pour ceux qui étaient pas là, donc effectivement, il y a une des candidates qui a participé donc à qui veut épouser mon fils et donc quand ils l'ont tourné et puis puis bah malheureusement elle a eu un accident de voiture et donc elle est décédée. En fait, TF1 n'a rien trouvé de mieux à faire que de l'enlever complètement. Au lieu de lui rendre un dernier hommage, tu vois, ça fait plaisir. Bah ouais, c'est cool plutôt, non? Bah ouais, donc non, ils l'ont viré. Et c'est dommage parce que pour le coup, ils auraient dû communiquer là-dessus, ça aurait fait plus d'audience, plus d'argent, plus de pub. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. L'exclu d'aujourd'hui, donc c'est donc qui veut épouser mon fils avec certains candidats qui sont perdus. Je vous explique. En fait, il y a eu le teasing avant que ça commence, là, souvenez-vous. Et donc, il y avait plein d'images, plein de candidats, et en fait, il en manque la moitié. Ouais, ils ont pas tous pris, ouais. Ouais, dont un champion du monde avec des lunettes. Il ressemble un peu au Corse, mais en plus maigre. Ah, la photo là, si vous voulez, hein, avec un grand nez comme ça, avec une tête bizarre. On dirait qu'il y a une cicatrice au niveau de la gorge. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est bizarre. Et sa description, c'était genre, il aime bien les grandes blondes avec des gros seins. Ah oui, c'est ça. Mais oui. Elle l'aime pas trop. Oui, c'est ah oui, c'est vrai. Et ben, malheureusement, elle a disparu. Enfin, ce fils et cette maman ont disparu. Il est dans la voiture avec la meuf, je crois. Ouais, bah écoute, peut-être. Ouais. Et puis après, il y a un autre mec à côté qui a l'air normal, mais il a l'air bizarre quand même, hein. Chemise blanche, petite cravate et tête un peu bizarre malgré tout. Surtout s'il est célibataire et qu'il habite encore chez maman, c'est un peu compliqué, hein. Pour donc, faire voilà. Cette émission, faut pas être tranquille déjà. Non, bah, quoi que ça dépend, tu vois, ça peut être drôle au final. Surtout quand tu sais que la moitié des gens, en fait, ils sont déjà maqués et ils font ça que pour, c'est des acteurs, quoi. Ouais, voilà, c'est des acteurs plutôt. Faut plutôt être acteur parce que déjà la gueule. Alors moi, j'en croise plein dans le métro, des mecs comme ça. Mais il y en a pas non plus 1000 en France, quoi. Ah mais si, bah, c'est comme dans, tu rigoles. C'est comme dans les têtes. Ouais, non mais il y en a, c'est vrai. Hein. C'est comme dans Confessions Intimes, c'est des acteurs la majorité du temps. Ouais, mais alors une vraie émission qui était énorme, c'est Striptease parce que c'était des vrais gens. C'était tellement génial. Dans le cul de la Belgique, hein, chez toi. C'était en Belgique, ouais. Et dans le Pas-de-Calais. Belgique et nord de la France, ouais. Non mais Striptease, la phase où quand même l'autre elle se merde, non, il veut aller dans l'espace avec la soucoupe et le perroquet. Exactement. Et c'est sa rhum, elle a juste 1000 ans, la meuf, elle est dégueulasse. Et la soucoupe, elle est dans le jardin, la soucoupe, elle est en bois dans le jardin. Et elle dit, il commande la soucoupe paranormalement. Elle est folle et elle conserve son perroquet qui est mort depuis 12 ans dans une boîte à pompe, à biscuits, je crois. Hein. Boîte à chaussures. On sait jamais, des fois qu'on arrive à trouver un truc qui fait que le perroquet peut survivre ou peut revivre, pourquoi pas, tu vois. Non, mais attends, elle le donne au cadreur, elle le donne au caméraman, elle lui fait tenez toucher, et le mec il fait tu l'entends à travers. C'est clair, dégueulasse. Une histoire terrible comme ça. Il y a une copine à moi, Charlotte, sa tante, il y a quelques. Je crois qu'elle allait dire Satan, je me dis, il y a quelques années, elle avait super mal au ventre et tout. Elle se plaignait, j'ai mal, mais personne ne trouvait réellement ce qu'elle avait. Jusqu'au jour où elle a décidé d'aller se faire faire des radios. Bah, je crois qu'elle allait dire jusqu'au jour où elle a décidé d'aller se faire foutre. Non. Jusqu'au jour où elle a décidé d'aller faire caca. Non, des radios. Et là, on lui fait une radio et on se rend compte que dans son ventre, juste pas très loin de son estomac, ils ont trouvé une boule. Mais c'est terrible, mais de c'est poils, vrai. Une boule de poils. Une boule de poils avec des ongles et des dents. Et en fait, figure-toi que c'était elle le jumeau. Elle avait mangé son chat. C'était le jumeau qu'elle devait avoir, mais qu'elle non. avait mangé. Je te jure. Qu'elle avait mangé. Qu'elle avait mangé lors de la création de ces mais deux c'est bébés. Une vanne ou pas, non, oui, c'est une vanne. Et elle a gardé ce truc dans un. C'est pour ça que je parle de ça. Dans une espèce de boîte, genre, tu sais, comme tu trouves dans les. Elle a gardé diversité. En plus son truc qu'elle a bouffé. Ouais. Elle est pas tranquille. Non, hein, mais elle est Charlotte. Pas tranquille. Non, c'est pas Charlotte. On la retrouve sur Facebook. C'est sa tante. Et moi, j'y croyais pas et tout. Et on en a parlé encore ce week-end, parce que moi, j'ai souvent mal au ventre. Et voilà. Et du coup, elle me disait. Elle m'a dit ça. Je lui dis, mais c'est pas possible. C'est ça, ça trouve, t'as un petit morceau intérieur. Non, mais moi, j'ai failli avoir un jumeau. Donc je me dis, peut-être c'est ça. Ce que je te dis, c'est bien ce que je te dis, ça se trouve quand j'étais petite, encore à l'intérieur. Mais oui, on m'a toujours dit t'as bouffé ton jumeau ou ta jumelle. Mais c'est pas possible de manger son jumeau, quoi. Bah écoute, visiblement oui, hein. Mais de manger le bébé, il sue son pouce, déjà il se galère dans le ventre de sa mère. Mais non, mais c'est une malformation, c'est-à-dire, et après, ce qui est encore terrible, c'est que le bébé a continué à grandir, tu vois, bon. Dans une petite échelle. À l'intérieur, ouais, mais il y avait bizarre, tes cheveux, il était habillé et tout. Non, moi j'ai sorti la blague, j'ai dit il avait du vernis aussi parce que j'y croyais pas. Bon, et bon appétit, hein, si jamais vous êtes. Non, mais sur ça existe vraiment. Là, mais voir, ça va être au top là. C'est clair, bon appétit. Ça va ouais. être au top, ça va être au top. Bon, dites-nous, bref, tout ça pour dire si vous avez. Si vous regardez ou si vous ne regardez pas. En l'occurrence, ceux qui ne regardent pas, ça ne sert à rien, mais ceux qui regardent, qui veut épouser mon fils, 01 55 64 13 25. Flo qui est avec nous maintenant, salut Florian. Salut. Oui, c'est salut à toi Flo. Florian. Tu regardes toi qui veut gagner des millions. qui veut épouser mon fils? Ouais. Ah, tu es fan, c'est qui ton préféré à l'intérieur? Giuseppe? Bah, il y en a pas en fait, tu regardes ton de leur gueule un peu donc. Ah ouais, c'est bon, il y en a bien c'est le concept, que hein. Ouais, il y en a bien que t'aimes plus que d'autres dans le genre qui te fait le plus marrer parce qu'il te fait pitié quoi. Je sais plus comment il s'appelle en fait. Giuseppe, c'est Giuseppe le Rital. Voilà. Ah bah voilà, c'est ça, ouais. Moi, c'est Alexandre. Oh, c'est le préféré de tous, à mon avis. Ah oh, oui, ah bah Alexandre, oui. Peut-être, ouais. Giuseppe, mais il est exceptionnel. Mais Giuseppe qui, visiblement, apparemment, aurait déjà une meuf. Hein. Ouais, il y en avait un autre de candidat qui était genre en kiff sur lui. Un mec qui s'est révélé, il était là pour trouver une nana, ouais, et d'un coup, il a dit « J'aime pas les femmes, j'aime Giuseppe !» C'était pour faire le buzz. D'ailleurs, Pierre. Ah non, non, Mika, non. Merde. Tu fais ce que tu veux, hein. T'imagines. Tu ferais quoi, Pierre, si d'un coup, je te chauffais comme ça, là? Ben... Non, imagine, pas s'il te chauffe, mais s'il te dit qu'il est amoureux de toi, qu'il a des sentiments. Non, les sentiments, c'est encore pire. Je lui dis, tu me défonces le cul, on en parle plus. Hein. Oh. Non, mais qui te dit, maintenant, je te regarde avec du désir, ça m'est jamais ça, arrivé, mais horrible. Quand je te vois, je te trouve trop drôle, trop beau. Et c'est tout, ça, tu de kiffer ton pote et d'avoir des arrière-pensées. Je voudrais bien lutter mal vase et tout. Oh, ouais, c'est ce que j'ai avec Émilie, moi. C'est improbable. Quelle horreur. Ouais, mais c'est différent entre deux meufs, c'est différent. Non, mais c'est pas vrai, les gars. Non, mais après, tu fais ce que tu veux, mais c'est différent entre deux meufs. Limite, entre deux meufs, c'est beau. Alors qu'entre deux mecs, quelle désolé. Horreur, mais... Moi, Mika, il me fait ça, je fais, ok, prends tes affaires direct et sors de ma chambre. C'est ça, tu fais, sors de ma chambre. Moi, pourquoi c'est plus beau entre deux meufs qu'entre deux mecs? Mais parce que là, il n'y a pas l'acte, voilà. Non, parce qu'on est des mecs, forcément. Ah, mais oui, non, mais c'est différent. Je sais pas, c'est différent après. C'est comme ça, notre délire. Et toi, Florian, t'aimes les hommes? Et quoi? T'aimes les hommes? Je comprends rien. Les hommes qui aiment les hommes, tu aimes bien les hommes qui aiment les hommes ou pas? Tu aimes les films de gladiateurs? Est-ce que t'aimes quand un chat on se... Okay. Non, bah après, c'était une question comme ça. Hein. Bon, Flo, tu nous appelais pour quoi à la base? Parce que j'imagine que tu nous appelais pas pour parler de ça en particulier. Bah parce qu'en fait, on a un projet de film et voilà quoi, on voulait faire connaître un peu. Ah, un projet de film? Ah oui, carrément, c'est quoi? Alors c'est en fait, on a l'an dernier, on avait fait... On s'était fait arnaquer, on devait faire un casting pour un film et tout, on s'était fait arnaquer. Donc du coup, en fait, on a... Ben, en fait, on peut pas faire... On va des arnaqueurs, quoi. On va en parler, quoi. D'accord. Fait, voilà. Ouais, bon, bref. Donc du coup, il y a Laura, c'est une jeune réalisatrice, elle a fait un scénario à partir de notre histoire, ça n'a pas beaucoup de rapport, mais bon... Voilà, va droit au but, on dirait une Corse. Ouais, ça mais, a l'air bon, bien. En fait, c'est surtout vas-y à la cool, tu veux qu'on te reprenne dans 5 minutes le temps que tu bois un petit verre d'eau? Ouais, mais c'est, en fait c'est pas trop comment expliquer. Ah bah, mais c'est pas grave. Ouais, bon, en gros c'est sur une arnaque, c'est sur les dessous du cinéma, quoi. D'accord, bon, on a bien compris que t'avais l'occasion de tenter de faire du ciné, en fait on t'a escroqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont pris son projet de film, quoi, son scénar. En gros, ils ont piqué ton scénar. Il y a eu du plagiat. Et toi, tu veux faire un film sur les mecs qui ont piqué ton scénar, c'est ça? Ben en fait, tu vois, on veut faire un film sur les dessous du cinéma, ce qui peut se passer, les arnaques et... c'est et pas tout. Mal. Ça, c'est bien, ça. Est-ce que t'as déposé le concept? Parce que tu sais que là, je vais peut-être le piquer. Ouais, mais le scénario est déposé déjà. D'accord, ah bah, bon, bah, voilà, bah, très bien. Mais alors, je comprends pas, mais ça vient d'où cette histoire? C'est-à-dire que vous êtes vraiment fait arnaquer, donc aujourd'hui... Oui, l'an dernier, c'est vraiment fait arnaquer. Mais, l'arnaque, c'était quoi l'arnaque? Bah, enfin, on devait faire un film, si on veut plus trop en parler, quoi. Mais on a dépensé vachement d'argent et tout, et voilà, quoi. Mais il est sorti ton film? Ah, c'était Avatar. Ouais, c'est un délire avec des hommes bleus dans un jungle. Enfin, bon, voilà, quoi. Non, il est sorti ton film en France ou en fait, non, en fait, tu vois, on est monté à Paris, ils nous ont dit ouais, on avait des contrats et tout, mais en fait, tout n'a jamais été tourné, rien quoi. D'accord, bah c'est pas vraiment un vol de scénar ou quoi, c'est juste qu'on vous a pris pour non, des pigeons quoi. Voilà quoi. Mais ce film, il va bientôt sortir en salle, ton film? Mais en fait, tu vois, là pour l'instant, il y a le. Pardon, je repense à la veine d'Emily. Qui a été écrit et tout, là on cherche un producteur en gros. Ah ouais, d'accord, tu donc t'as tout écrit, mais il faut le prod quoi. Comment t'as écrit, c'est Laura. Oui, enfin peu importe, mais je veux dire, tout est écrit quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok, très bien. Si oui, t'as c'est le plus compliqué qui reste à faire quoi. Ouais, voilà. Ouais. Si Pierre est intéressé, effectivement, s'il y a une scène de cul dedans. Voilà, c'est ça. S'il y a juste une scène de nu, etc., moi je peux. Ouais, tu vois. C'est pas moi qu'il faut demander, je sais pas trop. Mais alors, pourquoi tu nous passes pas la Laura justement? Bah, en fait, elle est en cours, donc. Elle est en cours, attends là. Elle fait les cours du soir. Non, mais elle est en Guyane aussi, hein. Donc c'est ça, oui. Je voudrais bien jouer dedans, moi. Non, mais elle c'est pas les cours Florent, donc. Ah, elle prend les cours Florent. Ah, il y a encore les cours à 8h30 là? Ouais, bah c'est tard le soir. Ah, elle est en cours, donc. Florent, c'est tard. D'accord, parce que ce serait bien éventuellement qu'on s'appelle quand elle est là, parce que visiblement, elle a plus de. Ouais, c'est le scénario et ouais, tout, voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. Elle a plus d'informations éventuellement à nous filer. Et donc, quoi, tu vas jouer dedans, toi? Tu vas faire quoi? Ben normalement oui, c'est vu que en fait tu vois c'est ceux qui sont fait, on était une vingtaine à peu près à s'être fait arnaquer. D'accord. Et après, c'est notre projet à nous quoi. On va. Ah oui d'accord, ok, c'est un projet commun, genre c'est un peu la revanche. Voilà. Et toi, tu veux être acteur? Non, réalisateur. Non, bah non. Producteur. Toi, non, tu veux faire les cascades? Chanteur. Normalement, on est acteur dedans. Mais oui. Ah. En fait, ils jouent leur propre. En fait, tu joues ton propre personnage dans, dans ton film. Oui, oui, d'accord. C'est pas la même histoire, en fait. On a. Faut donc, c'est une histoire vraie modifiée, donc elle est fausse, quoi. Ouais, en fait, on veut parler des dessous du cinéma, les arnaques qui peuvent se passer et tout. Donc c'est une histoire vraie mais fausse. Enfin, c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie. D'accord. C'est un beau bordel, hein, mon frère. Ça, ça, hein. Non, mais il avait dit dès le début qu'il savait pas trop comment expliquer. Ouais, donc exactement. Effectivement, je comprends. Bon, tiens, il y a Joël aussi qui dit personnellement, j'aime pas les films français. Oui, moi j'ai un peu de mal aussi avec les films. Ça dépend. Il y avait tellement de bons films français. Ça dépend lesquels. Non, mais même des films d'action. Moi en général, c'est pareil. Films d'action français, j'y vais juste pas. Paraît-il que déjà le dernier, il déchire là, à bout portant. Ah ouais, avec Lelouch. Et juste un film, bon, il a maintenant 5-6 ans, mais c'est genre 36 qui est des orfèvres, il est calme, celui-là. Oui, oui, non, mais voilà, après, ah effectivement, oui, t'as des. Mais même des films d'instant de vie, moi j'adore, quoi. Non, mais voilà, après, ça dépend, effectivement, t'as des exceptions partout. Voilà, il y a Teddy aussi qui dit, c'est donc une docu-fiction. Ouais, on peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça, ouais. Docu-fiction, ouais, c'est oui, vrai. Oui, bah oui, pour le coup, ouais. Bon, et dites-vous, si vous vous êtes déjà fait arnaquer, là, comme Florian, par exemple, ça vous est déjà arrivé, vous? Oui. Les arnaques. Ah ouais, oula. Ouais, bon, on en parle dans un instant. Alors, bouge pas de là, Flo, tu restes avec nous? Ok. Bon, bah, reste là, et puis les autres, vous appelez 01 55 64 13 25. Il y a Vincent qui est au standard, et puis, voilà, ce que j'allais dire aussi. Oui, on parlera aussi tout à l'heure, évidemment, donc, de cette grande émission, donc, qui veut épouser mon fils avec le nombre de gens qui se trouvaient dans cette bande-annonce et qui ont malencontreusement disparu. C'est ouf, quand même. En même temps, je vais essayer de trouver la perle de cette émission. D'accord. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Ben c'est ça. C'est-à-dire que s'ils sont dans le casting, enfin s'ils sont dans la promo, c'est que vraiment. Ça me fait penser à la série Les 4400. Alors ça, j'ai regardé le début, après j'ai vite décroché, ça m'a saoulé. Ouais, mais c'est un peu le même principe. T'as des gens et d'un coup, oups, ils ont disparu. Ah oui, qui disparaissent. Je sais pas où ils sont. Non, ça, bien sûr. Ils sont tous dans les lèvres de la mère de Giuseppe. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on en parle donc dans quelques instants. 01 55 64 13 25. Et puis au niveau du son, là, c'est Martin Solveig maintenant avec Hello sur Goom. Et voilà le son de Martin Solveig avec Hello à l'instant sur Goom Radio. Il y aura Chris Brown tout à l'heure avec Yeah, Peter Lutz également qui débarquera. Il y aura Bruno Mars ou encore Pitbull et puis le football qui va commencer, bien sûr. Derrière les Lyonnais ce soir qui vont jouer, les Lyonnais qui vont tenter de faire mieux qu'à Schalke, hein, où ils s'étaient lourdement inclinés face à Schalke 04. Lyon qui joue donc ce soir face à la Poel Tel Aviv. On verra comment ça va se passer. Il y a le Barça qui joue aussi, il y a le Benfica Lisbonne qui va jouer également, et puis Manchester, Copenhague, etc., etc. Quoi qu'il en soit, on suit les matchs. Et puis sinon, il y a de la Ligue 2 aussi en speed, hein, pour ceux qui nous écoutent à Metz ou à Boulogne-sur-Mer. Là, les Messins gagnent 1-0. Et puis Clermont Foot contre Ajaccio, 1-0 pour Clermont Foot. Oh, pas mal. Et oui, donc Ajaccio perd. Clermont-Ferrand. Non, mais c'est quoi ce nom d'équipe, Clermont Foot? Oui, ce qu'il veut dire. C'est drôle, à chaque fois, quand ils font des chelous. Ouais, s'ils font du tennis, c'est Clément Tennis. Non, mais quand tu dis vite, ça peut très vite faire Clermont Foot. Ouais, Clermont Foutre. C'est arrivé au Roux d'ailleurs il y a quelques années. Clermont Foutre. J'ai lu une histoire trop drôle. Ah bah, t'as intérêt à ce qu'elle soit drôle. Non, mais quand t'annonces le truc, c'est qu'il y a un moment, il faut que ce soit drôle. Attends, parce qu'elle a annoncé que c'était drôle, elle a ri. En fait, c'est nul, mais ça me fait penser au foot parce que je regardais des trucs. Je regardais croyances d'enfants, nanana et tout, légendes d'enfants. Mais tu regardais ça où? Sur internet. Ah d'accord, okay. Et genre j'ai une meuf qui dit, je suis tombée pas du tout sur ce que je voulais des trucs genre sur le Père Noël et tout. Et je tombe sur une meuf qui dit, quand j'étais petite, je croyais tout le temps, quand mon père il disait bon allez je vais au foot et tout, que c'était lui qui jouait dans l'équipe. C'est nul, mais ça me fait rire. Okay. Et oh, genre, elle regardait le match, elle attendait de voir son rep à la télé en train de jouer. Non mais dans quelle équipe tu parles? J'ai pas compris. Non, mais j'en sais rien, c'était une meuf qui racontait ça sur internet, que quand elle était petite et que son père disait bon allez jouer au stade, elle croyait trop que son père était joueur de foot dans l'équipe. Alors qu'il regardait juste ah sa oui, ville. Ah, genre comme si moi mon père il disait jouer au stade, il allait voir l'OM et je croyais trop qu'il allait être sur le terrain. Quoi. Elle avait annoncé quoi. Ouais. C'était drôle non? Bah c'est ouais, mais pas si tu l'avais annoncé avec pas de rire, rien, ni ça faisait chier de le dire. Oui, ça aurait pu être bien. Ouais, là on aurait pas ri là. Alors non, que là c'est pas drôle, c'est mignon. Là on s'attendait à quelque chose de lourd. Ouais, un truc genre et au final quoi. Non, j'en ai une, c'est l'histoire une grosse production quoi. Non. Voilà, non. Voilà. Je crois qu'à un moment, il faisait. C'est bien de se le dire, hein, de temps en temps. Non. Je m'auto-censure, je suis en mode TF1 là. Ouais, ouais, mais t'as raison, ouais. Bon, du coup, j'ai toujours. On t'a retrouvé ta leçon que tu voulais mettre tout à l'heure là ? Ah, très bien. Alors, on a toujours Florian qui est avec nous, donc, pour parler de cette grande émission de TF1, donc, c'est-à-dire qu'il veut épouser mon fils, et donc, effectivement, il y a eu apparemment le. Donc, alors. Ce qu'Emilie annonce, le meilleur moment de l'émission. On jugera. Bah moi j'allais au stade et mon histoire de foot, je peux pas catcher les bons moments. Non mais moi ça m'a trop fait rire en tout cas. Bah vas-y. Oh, merde. Non mais c'est le drôle. Le plus chou de la soirée, ça s'est passé avec Charlotte. Mais elle a fait des danses hautes sur moi. Elle m'a sorti le grand jeu, je dirais plutôt. Elle a fait la coyote girl avec moi. Des trucs on va dire de limite sexuelle quoi. Non, mais faut voir la tranche du mec quand il dit ça, je t'en supplie. Le mec, il ressemble magique. À que dalle. Elle a fait la coyote girl. Mais en fait, il trouve plein de trucs parce que je suis sûr, il est plus chaud. Lui, il a 35 ans, il a jamais vu le loup, hein, la faune. Mais le pied jaloux, tu vois. Et quoi? Le pied jaloux. Ouais, exactement. Le pied jaloux. Et du coup, il a une tête. La meuf, elle danse sur lui, mais en mode grosse chaudasse. Vraiment, toutes les autres, elles sont allées se coucher. Et quand il raconte, il a une tête, genre, on lui a jamais fait ça de sa vie. C'est-à-dire que jamais une meuf a dû se mettre aussi près de lui et il est. C'est ça. Fait des trucs. Bien sûr, attends, dans cette émission, ils sont tous puceaux, voyons. Ils sont ah, Giuseppe, il a dû s'envoyer de la viande. T'as raison. Non, mais il faut savoir. Ah, de la viande. faut savoir que. Il s'appelle comment lui? C'est Laurent? Non. Alexandre, il a son cœur qui balance vraiment entre une chienne qui est la fille qui faisait le striptease et une autre super propre Saint-Denis-Touche, mais il a un peu de sentiment pour elle, mais en même temps, comme c'est un gros puceau, il est attiré sexuellement par l'autre. Exactement. Et je suis sûr qu'il va choisir la chienne. Mais ouais. non, mais non, un puceau, non, ça non, fait pas non, une salope. Non, il va choisir la chienne. Mais c'est mort, ça fait peur quand t'es puceau. Elle s'approche de lui, genre elle lui touche à peine la chemise, il a une érection, c'est terrible. Il va se faire. Elle est rentrée dans sa douche également, il savait plus où il était, et sa mère est très énervée parce qu'elle a très bien vu le jeu de la petite pute. Et quelle violence de la petite pute. Et l'autre, il essaye, tu vois, de la décoincer. Il lui dit, moi, j'aimerais bien qu'on se rapproche un peu et tout. Et la meuf, comment elle arrive mentalement à être avec un lait comme ça? Elle est laide ou elle est comment? Non, elle est mignonne, mais elle est bien pour lui, quoi. Elle est mignonne, c'est une petite secrétaire médicale avec les oreilles un peu décollées. Mais laquelle? Genre, celle qui est toute propre sur elle, là. Ah oui, elle, non, mais elle est. Et elle lui a dit, je deviendrai proche de toi quand tu ne seras plus proche de personne. Si tu vois ce que je veux dire. C'est énorme. Voilà, donc en gros. Ça va faire lit séparé au bout d'un an de couple, ça. Exactement. Je dors dans la chambre. Ce qui est drôle aussi, c'est que comment elle s'appelle, la coquine? Je sais pas. La coquine de toujours la même Charlotte. Histoire. Charlotte. Un soir, donc ils rentrent dans la maison et ils dorment chacun dans des lits séparés. T'as les filles dans une chambre et les garçons et lui dans l'autre. Ouais. Et dans la nuit, t'as Charlotte qui s'est carrément faufilée dans le couloir. Elle a tapé à la porte et elle a fini la nuit avec donc le mec. Oh, ils ont merde. Fait un petit peu du touche pipi et la mère le lendemain elle a dit, je ne supporte pas ce comportement, pas dans ma maison. Le mec il a quand même 32 ans. Vas-y, et voilà, donc du coup Charlotte c'est vraiment une salope, mais je suis sûr qu'elle s'en fout, c'est juste pour la télé quoi. Ouais. Bien sûr. Mais oui, elle a dit tout est sur la télé là pour elle le coup. Elle a dit, moi je sors d'ici, il y en a au moins 50 à qui me sortent dessus, donc. Calme-toi, calme-toi. C'est pour la battre. C'est ça, exactement, ouais. Bon, on va parler encore tout à l'heure de cette grande émission. Avant ça, pour comme on en avait parlé avec Florian par rapport aux arnaques, donc Mika avait l'air d'avoir pas mal de choses à nous dire au niveau des arnaques. Ouais, non, mais vite fait, mais c'est parce que dans staff, on sait un peu ce que c'est quoi. Tu sais, souvent tu dis, oh putain, j'ai une idée, hein, les gars. Ouais. Une émission, faudrait trop faire ça. Tu fais ok, et tout le mec il fait oh, non, je suis pas sûr. D'un coup, tu vois ton pote ou une nana hein, d'ailleurs, tu la vois, tu sais, alors donc j'ai en télévision, et là, donc je fais ça, voilà. Je fous de ma gueule ou et quoi? Tu m'avais dit que c'était nul il y a deux mois. Bah, c'est ça, je comprends pas. Non, mais attends, c'est rien à voir avec ton idée. Hein. Moi j'ai changé, bah ouais, t'as changé de nom, hein, mais le concept c'est le même en fait. Hein. Et ça arrive tellement souvent ça de se faire avoir comme ça, mais c'est quand on démarre un peu quoi, mais même plus tard. Hein. On se fait avoir. Non mais c'est pour ça que tu peux déposer et que dans ce métier-là, dès que tu fais un truc, tu déposes direct et après tu l'ouvres quoi. Ouais, mais c'est comme et tu dis pas que t'es sur des projets, tu fermes ta gueule et jusqu'au moment où ça tombe. Plus jeune, j'avais un pote et ça c'est drôle parce que je composais de la musique électronique, mais j'étais trop fier de moi, je me suis dit je vais être le nouveau de la merde, c'était genre des trucs dégueulasses. Mais c'était nul à chier. Et c'est exactement ça, un son pourri, et j'ai un pote qui me vole une chanson sur mon PC à l'époque et il me dit ouais, je mixe tel soir à telle boîte et tout machin. Le mec, on va le voir, et d'un coup, j'entends le son, je fais, putain, mais attends. Elle est trop bien, ma chanson. Et le mec, il diffuse ma chanson. Et là, ça je donne vois pas mal en boîte, hein. Toute la piste qui se barre. et le mec se prend un four c'est sur le titre. Il a voulu me niquer, mais c'est lui qui s'est retrouvé niqué. Et c'est là qui dit du micro, on remercie Mika. C'est le son de Mika à l'instant. Voilà. Non, mais du coup, il avait pas dit que dalle, mais il était là, il était genre en stress, gros coup de chaleur, et c'est merde, c'est pourri, ça marche pas. Bah ouais, mec, ça marche pas, bien sûr que non, ça marche pas. Mais il avait pour sa gueule en même temps, il avait qu'à pas la. Bah c'est ça. Ouais. Il avait qu'à pas voler, c'est mal. C'est très mal. Bah c'est pas bien de voler. C'est pas bon, bien. Y en a d'autres là qui ont eu qui sont fait escroquer ou pas? Vous êtes fait escroquer ou quoi? Non, moi pas dans le taf. À part par pas. Le Jap une fois ici là, mais bon, rien à voir. Ouais, ouais, moi je non, me fais tout le temps escroquer par des trucs de bouffe et tout. Dans le taf, c'est ça que tu dis hein? Dans le taf? Bah, dans le taf, ouais. Non, pas forcément dans le taf. Ça peut être à un autre moment. En particulier dans le taf, oui. C'est clair que ça arrive assez régulièrement. On parle Fredo, mais ça n'arrête pas. Non, mais je parle genre escroquer. J'en sais rien, moi. Tu vas acheter une voiture, c'est une poubelle et tu t'en rends pas compte. Tu vas acheter une télé, elle marche. Enfin, j'en sais rien. N'importe quelle escroquerie où tu l'as vraiment mauvaise. Enfin, je réfléchis, mais. Attends, est-ce que ça compte pour les meufs qu'on voit maquillées en soirée qui sont dégueulasses au réveil? C'est des escroqueries, ça va, je te plais, j'étais malade ce jour-là, c'est pas sympa. Non, mais ça, par contre, ça m'est déjà arrivé pour le coup. Voilà. D'accord, non, mais souvent, mais ça m'étonne pas, hein. Je suis triste, en fait. Ben, voilà, non, mais c'est pas ça, mais c'est-à-dire que, le problème, c'est que, c'est ça le problème quand on chope une meuf, quand on est à moitié bourré. Ouais, bah. C'est que le lendemain, on débourre. Oui, bah oui, forcément, ça. Puis c'est triste, quoi. Bah voilà, c'est ça. Moi, ça a été sur. Plus sur un scooter que j'avais acheté, je croyais qu'il était nickel et tout. Et en fait, le scooter, il était super vieux, il m'a claqué dans les doigts en pas deux mois, quoi. Alors, si vous voulez une belle escroquerie, il y a une Smart à vendre à la radio. Ouais, un pare-choc à vendre, défoncé. Voilà, il manque un bout, mais comme neuf, hein. Très peu servi. Ça, ça veut dire, pour le coup. Faut dire, voilà, elle est en état. Non, mais elle était d'occasion déjà. Ouais, bah ça, je te confirme. C'est juste que, pour le coup, alors les phares sont en parfait état puisqu'ils ne sont jamais allumés. C'est clair. Donc À part quand elle roule pas. Je suis conne. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'avant d'avoir l'accident ce matin, vous en avez parlé il y a quelques minutes. Elle était tombée en panne de batterie, donc parce que cette idiote avait laissé les phares allumés toute la nuit. Mais quelle abruce. Surtout que c'est ma phobie. À chaque fois que je descends de la voiture, je reste 2 heures devant la voiture en disant ça va s'éteindre. Ouais. Et le seul problème, c'est quand elle démarre avec sa voiture, le nombre de fois où j'ai déjà vu partir de la radio, phare éteint. On n'était pas encore. Mais non, parce que j'ai peur de défrayer les petites bêtes de Boulogne. C'est ça, Confond les veilleuses et les phares. Ça veut dire pour ceux qui n'ont pas le permis qui nous écoutent, en gros vous avez les petits phares mais qui éclairent rien. Les petits phares, les servent de signalisation. Voilà exactement qui servent juste à signaler. Bah, là, mais tu vois sans éblouir juste pour dire qu'il y a quelque chose, il y a un obstacle. Exactement, mais tu peux pas rouler la nuit avec ça parce que tu ne vois pas un trottoir qui est à 2 mètres de toi. Voilà. Et elle met tout le temps ça. Genre samedi soir, elle part en caisse et toi elle démarre. Je fais mettre tes lumières. Elle fait un cran, t'entends pic. Mais tu vois qu'il y a bien les veilleuses. Et elle part. Je dis non, tes lumières, bah ça elles sont mises. D'un coup elles tournent, pic, la lumière. Sinon je mets les pleins phares et les mecs ils m'insultent. Oui, c'est normal. Je sais pas comment j'ai eu mon code et mon permis, mais je te jure. Bah non, écoute, vu l'accident que t'as eu aujourd'hui, en tort, je tiens à le rappeler, en tort. Il neigeait. Ouais, c'est ça, ouais. Bah demain matin il va neiger aussi, tiens, on voit Evelyne Delia à la télévision. Le temps. Mais je la prends pas demain s'il neige. C'est-à-dire que c'est pas juste que ça va être la galère demain, mais ça. Enfin c'est tout comme quoi. Oh, c'est relou, ça me saoule ce temps là. La neige c'est relou, mais. Non mais vraiment, c'est tombé tout à l'heure là. À Paris, c'était dégueulasse. Non, mais ou alors il en faut plein, au moins on vient en snowboard et on se régale. Ah, bah oui, tu vas venir en snow, tiens. Oh, j'ai une petite descente du pont, les canons, ouais, mais après, faut la remonter. Ah, ouais. Bah ouais, c'est ça pas le problème. Grave, j'aime trop moi c'est mon snow à la descente, main, trop mignon. Ouais, c'est ça. Et quand il y a une descente, faut d'office le remonter. Hein. Bon, il y a Florian, bon, bouge pas. Il y a Anthony aussi qui est là maintenant. Salut Anthony, comment vas-tu? J'attends mal, Anthony. Attends, ne bouge pas. Hop là. Comment ça va, Anthony? Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien aussi, hein, Anthony, hein, tranquille. Bientôt les congés de Noël? Ouais, bientôt, ça arrive. Eh ouais, bah vous allez avoir les congés de Noël avant nous. Eh, dans 10 jours, vous démarrez Noël, vous, hein. Oh là là. 17, ouais, putain. Oh la chance. La vie est belle. Mais est-ce que là, tout le monde a la même, les mêmes vacances? Ouais, Noël, Noël, il n'y a pas de zone. T'imagines un peu? Noël. J'en sais rien, moi, tu sais, ils l'ont mis à l'internat à Paris, les Marseillais. C'est bon, clair. Bah, Noël, j'ai pas congé, je serai là pour Nouvel An. Ah bon? Non, mais ils peuvent pas. Non, pour le coup, J'espère que tout le monde est au même moment. T'imagines, il neige le 24, je prends mon train, c'est mort. Non mais pour le coup ce serait bien qu'il neige. Bon à Marseille il y a pas de chance. Ce serait drôle. Neige pour Non, je veux pas, je prends le train aussi. Non mais neige, mais c'est pas parce qu'il neige que les trains n'avancent plus. Faut arrêter de dire. J'ai eu 2 heures et demie de retard à cause de Marseille. Ils sont pas bien malins. Non mais il y a neige et neige quand même. Attention, et samedi canicule 6 degrés dans le nord. Ouh, oh, faites gaffe. Là. Faites gaffe, coup de soleil, crème solaire. Non, parce que dimanche ça repartit à la baisse, hein, 5. Génial. Voilà, puis 3, puis 1 et puis on est au top quoi. Oh, là là. Oh bah oui, bah enfin en même temps c'est l'hiver, hein. Vous allez, on va pas en se 2012 en ça, ça va atteindre quoi, vous croyez, puisque vu qu'on doit tous mourir là. Attends, mais 2012, ouais, pour de bon, c'est la météo. Degrés. Alors, moins 39 avec exactement un vent de 400 km/h. Attention, ça va plus hier, on approche du 21. On a des jours sur la tête, c'est dépecé pour se tenir chaud. Et on salue nos amis qui ont accueilli un koala donc au milieu de la mer. Non mais ça me fait rire parce que mon iPhone des fois il débloque et quand je regarde l'appli météo, je suis à 45 degrés à Marseille. Fahrenheit. Ouais, je suis à Fahrenheit. Bah oui, mais le en Celsius. Mais du coup, je fais putain, il fait 60 degrés à Marseille, faut ça que j'appelle faisait... ma mère. Non, ça faisait pareil sur BlackBerry là, ça me mettait Tunis tout le temps. Je comprenais pas à chaque fois pourquoi Tunis dans ça, hein. Je sais pas, l'appli a dû être faite là-bas et à chaque fois j'avais 32 degrés. Je me dis donc, yo, 12 septembre aujourd'hui là. Ça me paraît pas mal. Ouais, c'est ça. Tu l'as récupéré ton bibi? Ouais, mais j'ai qu'une seule fonction possible, c'est les textos. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Et quand on m'appelle. Ah ouais, c'est bien aussi, hein. Et je peux appeler, voilà. Bon, bah écoute, c'est super. Hein. Quoi. Ah bah franchement, c'est pas non, mal. C'est un téléphone, quoi. Bon, de quoi on va parler avec toi dans un instant, Anthony? De l'histoire d'un chien que je devais soi-disant acheter et en fait c'était une grosse arnaque. Oh purée. En fait c'était un poney, ils ont pas fait gaffe. C'est un dragon. Ouais, c'est ça, ouais. Bon bah alors bouge pas, on parle de ça dans un instant, tu restes là? Pas de problème. Bon allez, c'est parti. C'est parti aussi les matchs là, ça y est, Werder de Bremen Inter 0-0 évidemment, Lyon à poil Tel Aviv. Pourquoi on n'a pas l'image là, c'est à pas poil. Sur téléphone à poil Tel Aviv. Ah, je sais pas. Ah vas-y, zap le merdier là, c'est à poil. Par contre, en face de moi, j'ai un match de handball féminin et elle se débrouille pas mal. Hein. Ah ouais, mais c'est chiant. C'est les Françaises et les... On s'en fout. C'est quoi, Nord? N-O-R. Norvège. Bah ouais, ça peut être j'imagine. Que la Norvège. Ouais, je crois que ça peut être Norvège. Attends, c'est sur Canal. Lyon à poil Tel Aviv. Ah merde, ah, bah, c'est sur Canal. Mais le 4 alors, le 4. Bon, et donc Lyon qui joue, Bursaspor face aux Rangers également, Manchester United, Valence, Barcelone, Rubin, Kazan. Et attention, deuxième minute de jeu et... 0-0 pour Barcelone et puis Copenhague Panathinaikos également qui joue ce soir, on vous tient au jus, puis Benfica Schalke 04. Bref, tous les matchs de cette Ligue des Champions donc à suivre ce soir sur Goom Radio. Ne bougez pas, on se met la pub derrière, on revient en speed avec Chris Brown, c'est yay. Bouge pas, on fait la pause sac à main. Frido s'en met plein les fouilles pour acheter des iPhone 4 aux héritiers. Goom. Nickel, revient juste après ça. Voilà le son de Chris Brown à l'instant avec Yes sur Goom Radio. Tous les soirs, on est là entre 20h et 23h et la 9e minute de jeu est toujours 0-0 sur tous les matchs de Ligue des Champions ce soir. Donc bien sûr, on vous tient au courant si s'il se passe quelque chose en direct live évidemment. Voilà. Retour avec Anthony dans Anthony maintenant. On devait avoir un autre aussi qu'on va rappeler dans un instant. Vincent va rappeler ouais. La Ambre, il va rappeler Ambre immédiatement, Vincent au standard. Donc on va pas le plus maintenant. Hein. Salut Anthony. Enfin, salut. Salut Anthony. Bon, Anthony, alors, tu voulais nous parler de quoi toi juste Anthony? Ben en fait, c'est avec mes parents. Ouais. On voulait acheter un chien. Alors quoi. déjà excuse-moi, t'as quel âge? 15 ans. 15 ans, d'accord, OK. Donc tu voulais acheter un vieux un vieux. Tu voulais acheter un chien avec tes vieux, voilà, c'est ça. Et donc la petite vieille là aux cheveux gris. Et il s'est passé quoi alors? Voilà, donc c'était on a regardé les annonces sur internet. Ouais. Donc on a regardé les offres et on est tombé sur un chien donc qui était donné. Ouais, OK. Donné genre pas cher ou donné gratuit? Non, genre vraiment donné gratuit quoi. D'accord, OK. Ouais, donc tu te dis bonne affaire hein, quand même hein. Voilà, bonne affaire. Voilà, c'est ça. Donc tu vas jusque là-bas et après voilà. En fait, c'était un rat. Non, non. Et donc Non, mais c'est un chien. Non, c'est un rat. Fallait donner l'adresse et tout, donc on a donné. Ouais. Et donc le chien venait d'Afrique en fait. D'accord, OK, ouais. La grosse arnaque. Bah, il peut venir d'Afrique pas. Le chien. Hein. Et... Pourquoi il était noir? Non, il était blanc. C'est rond, ça. Attends, j'ai une question toute con, mais pourquoi vous n'êtes pas allé dans un refuge pour animaux? Parce qu'il y a plein d'animaux qui demandent d'être adoptés dans les trucs comme ça. Bah, ils demandent rien du tout. Hein. Enfin, en fait, on n'y a si, pas pensé, font... quoi. Ouais. Donc, voilà, ça s'est passé. Et donc, le chien, avant de prendre l'avion, il a été soi-disant malade. Et il était en première classe ou pas, l'avion? Le chien. Je sais pas, donc il était soi-disant malade. Et donc, il a fallu payer les frais du médecin. Ah, le vétérinaire, voilà. Ouais. Donc la note s'est élevée à je ne sais plus combien. Ouais. Donc, oui, comme par hasard, il était malade, Clebs. Recommandé en Afrique. Ah oui, non, mais de toute façon, de toute façon c'est toujours de l'arnaque quand t'as des trucs comme ça. Tu sais, moi un jour j'avais. Qu'est-ce que je vendais? Mais t'as pas payé au moins, tu l'as laissé le caps. Je vendais un truc sur, sur eBay, mais je sais plus quoi. Et t'as le mec qui dit ouais, est-ce que c'est possible de me l'envoyer en Afrique, enfin tu sais, dans un pays au Ghana ou je sais pas quoi là. Je dis ouais, c'est possible, ouais, bah alors par contre. Faudrait que vous envoyez le chèque dès qu'il arrive, il faudra le déposer à l'endroit, mais par contre est-ce que vous pouvez m'envoyer l'appareil immédiatement parce que j'en ai besoin d'urgence. C'est ça, tu es enculé, ouais. Ouais, c'est arnaque, ouais, ouais, mais c'est toujours des arnaques. Mais par contre méfiez-vous, c'est comme quand vous allez sur internet, vous allez sur eBay ou n'importe quel autre site, vous voyez genre, je sais pas moi, un écran plat full HD 3D 100 euros, il y a un truc, c'est pas logique, c'est clair. Tu, oui, tu peux faire une bonne affaire, le payer un peu moins cher que le magasin, mais de là à ce que le truc soit donné, c'est pas logique. Voilà. Parce que mettez-vous, et là je vous le dis, imaginez même que c'est un volet. Mais bon, oui. C'est pas dramatique, si tu lâches que c'est un volet, tu vas pas censé le savoir. Mais le mec il l'a volé ou le mec il le revend. Si c'est un volet, il va essayer de le revendre le prix normal pour essayer de se faire un max de thunes. Voilà, c'est ça, ils vont pas le vendre à 100 euros quoi. Donc voilà, donc méfiez-vous quand c'est. Quand le prix est trop bas, c'est pas forcément positif non plus, mais bon. Mais c'est quand même la première fois que j'entends quelqu'un qui achète un chien comme ça d'aussi loin, quoi. Mais la fin de ton histoire, c'est quoi en gros là? Attends, parce qu'il a pas terminé. Donc là, le chien était malade, donc vous avez dû envoyer de l'oseille pour soigner le cleps. Voilà, donc là, on a envoyé. Et c'est après, fou ça. Il s'est passé autre chose encore, donc ils ont inventé une autre histoire. En tout cas, c'est cher pour un chien gratuit. Combien? Donc ils ont inventé une autre histoire, et en fait, là, on a carrément tout capté. Et du coup, on a tout arrêté, on a tout stoppé. Mais vous aviez envoyé combien là pour le chien, le chien malade? Ça tournait entre 200 et 300 euros. Mais non! Mais vous êtes dingue! Oh là là là là là là! Mais attends, c'était quoi? C'était un chien de 100% pure race ou c'était quoi? Je sais vraiment plus, mais ça. Mais tu sais que c'est super cher les chiens. Mais pourquoi, du moment où il t'a dit c'est donné, mais il y a des frais nanana qui te l'a sorti après, pourquoi t'as pas dit bah ça m'intéresse pas, je laisse tomber? Bah parce que t'es quand même attaché à un chien, même ouais, si tu l'as voilà, pas, bah oui. Il est super mignon et tout. Donc non mais il est super mignon et pour le coup il existe pas le club. Il s'appelait comment? Il s'appelait Arnaque. Il avait pas de nom. Mais en fait c'était encore un bébé quoi. Oh pitchounet, il est où là? Mais il n'existe pas. Bah là il est encore en Afrique parce que. Mais non mais il est pas, mais non mais non, c'est en Afrique. Une photo de chien et il l'a fait à plein de familles et c'est tout. Bah il a pris la liste sur Google. Bébé chien sur Google, voilà. C'est ça, il a tapé bébé Terre-Neuve. Il a pris le plus attendrissant là. Bah voilà, bien sûr. Genre il n'attend que vous, tu sais, genre t'es dans un pays là, tu peux pas arriver à trouver un quelqu'un qui veut adopter le chien dans le pays, t'es obligé de l'envoyer dans un autre continent, ça veut rien dire. Ouais, c'est sûr. Non mais attendez, non mais il y en a qui font ça avec des bébés, c'est encore plus grave. Oui. Et tu as récupéré ton argent ou pas? Ah bah non. Bah du coup non, on n'a pas récupéré l'argent. Mais moi qu'est-ce que j'ai fait? Ben je les ai spammés. T'es parti en Afrique. Du coup ils ont dû changer d'email. Ouais, ils bon ça c'est la moindre. Franchement pour 300 euros je vais bien changer de mail moi. Ah bah, attends, c'est clair, ouais, coup, c'est pas un problème. On a pu récupérer, enfin voilà. Et là t'as pas de preuve que putain, tu vois, tu t'es fait arnaquer aux yeux de la loi quoi en gros. C'est une vraie mais arnaque. Vu que ça venait d'Afrique et bah, à chaque fois on avait un autre interlocuteur au téléphone, c'est pas. Ouais, ouais. C'est mort. Non mais c'est ça, déjà le truc quand c'est en France ou même en Europe, si tu veux, tu sais, c'est déjà compliqué. Mais alors en plus quand c'est même pas sur le même continent avec des lois différentes, enfin laisse tomber. Le mec en plus il a pas tué quelqu'un, il a volé 300 euros. C'est-à-dire que t'envoies quelqu'un, un enquêteur là-bas, ça lui coûte 5000 euros. Ah oui, mais t'imagines. Attends, si le mec il fait ça juste à 1000 personnes, j'en sais rien, mais le mec il se fait beaucoup d'argent. Bah, exactement, mais c'est ce qu'ils font, mec. Hein. Mais tu sais, moi je connais quelqu'un qui a acheté un appart, qui le loue, enfin qui a essayé de le louer. Et donc la première année, en fait, elle l'a loué à un mec. Le mec, tu sais, classe sur lui, costard, il est arrivé en merco, tout le bordel, donc vraiment, vraiment bien. Et en fait, le mec n'a jamais payé le loyer. Et en fait, donc, ça a mis un an pour le foutre dehors. Pendant un an, le mec, il a habité là tranquille. Puis tu sais, on a fait des recherches et en fait, on s'est rendu compte que le mec, on a retrouvé d'autres proprios les années d'avant. Ah bah ouais. Et en fait, ça fait des années qu'il fait comme ça. Donc tous les ans, il déménage, mais il habite gratos. Oh, non, mais c'est ouf. Mais ouais. Il est pas con le mec. Non, bah il faut, c'est quand même un enculé parce que c'est pendant un an. Enculé, attends. Voilà, mais ça, bon, ouais. Il est malin. Mais c'est ah non, il est malin, ouais, mais c'est un chien. Ouais. Moi j'avais bossé pour un mec à Avignon. C'est une ville franche, tu sais. En France, t'as des villes franches, donc t'es complètement détaxé des charges salariales ou je sais pas quoi. Et le mec, il créait des entreprises, tous les deux ans, il les fermait parce qu'en plus, t'as un bonus ou je sais pas quoi quand tu fais faillite, je sais pas, enfin, je connais rien. Non, mais ça, c'est profiter du système, ça. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il niquait plein de salariés. Et moi, dans le lot, dans une des sociétés, on s'était fait niquer, on disait 6 salariés. Et le mec, du jour au lendemain, on l'a plus vu. Mais vraiment, on l'a plus vu. Et il nous disait, je peux pas vous payer, les gars, et tout. Il c'est dur, en Porsche, c'est la crise. Mais en Porsche, avec les clés de la Porsche bah, et de la Smart, deux bagnoles. Il faisait, comment il fait pour les conduire, pas, les deux? Je peux pas, là, les gars, je peux pas vous payer. Et en fait, prud'homme et tout le bordel, hein. Le truc de ouf, hein. Et le mec, il créait des entreprises, ils avaient retrouvé sa trace, en fait, dans des extraits cabis d'autres sociétés et tout. Le mec, il a plongé en taule, je crois. Ah, bah, tu m'étonnes. Mais parce que c'est normal, attends, bah, chéri, quoi. Bah, c'est ça. Bah, mec, il a abusé, bah ouais, bah voilà. Et non, il a créé combien de sociétés, à peu près? Je sais pas, 6, 7, un truc comme ça, je crois. 6, 7 en 15 ans, quoi, tu vois. Il avait beaucoup de chiens autour de lui. Ouais, c'est ça. Et j'ai un truc, hein. Je sais pas, peut-être qu'il y a un lien avec ton histoire. Je suis pas sûr. Depuis, t'as un chien ou pas, Anthony? Non, toujours pas. Ah, toujours pas. Donc, putain, ouais, mais tes parents doivent être vénères. Hein. C'est-à-dire que 300 euros dans le vent, mais comme oui, ça. Mais oui, va dans un refuge. Là, ils veulent plus de chien, ils veulent être. Ah, bah oui. C'est-à-dire que là, 300 boules qu'ils ont perdu. Enfin, ils Ah, mais dans un refuge, t'as rien à payer. C'est pas méchant, mais pour le coup, ils ont été un peu cons. Naïfs, quoi. C'est ça. C'est même pas con, c'est naïf. Mais c'est ça, quand on voyait les photos, quoi, et tout. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais attends, mais moi, je suis aussi, je peux te montrer un chien. Vas-y, envoie-moi 500 euros, sinon je l'étrangle et je le tue. Tu vas me les envoyer. Non, bah attends, j'en ai un foot. Non, mais franchement, pour le coup, c'est un con. Je suis pas du tout animaux et tout, mais j'ai. Pour avoir. Si, t'es un peu animal quand même. Si, si. Non, oui, mais dans le sexe. Mais j'aime pas du tout les animaux. Mais bon, j'ai une personne dans ma famille qui adore ça. Bref, et pour le coup, à chaque fois qu'il a pris des chiens, il les a pris en refuge. Et t'en as des bébés d'animaux. Hein. T'en as des trop mignons et tout. Et quand tu y vas, ça te fait trop de la peine. T'as trop envie de les prendre avec toi. Mais c'est le problème avec les chiens, les animaux en général. Quand c'est petit, c'est mignon. Tu regardes un petit lion. C'est joli quand c'est petit, sauf que quand c'est grand, comment ça se passe? Attends, c'est magnifique un lion. Non mais je crois que c'était moche, mais va-t'en le garder. Oui, la dernière fois on disait je rêve d'avoir un gorille, un mini gorille là. Oui, non mais attends. Un mini, oui, c'est ce qu'on appelle un singe. Un guépard, moi. Un mini gorille. Non, non mais. J'ai rêvé d'avoir King Kong, mon petit. Un gorille avec un L. Une peluche de gorille. Non mais je rêve d'avoir un petit gorille tout mignon, c'est tellement beau. On a déjà Mika. Ouais, c'est pas faux, vu le nombre de poils qu'il a, effectivement. C'est pareil. Attends, t'es poilu quand même. Ouais, c'est vrai que je suis poilu. Voilà, ça aussi, c'est l'escroquerie de ta vie, ça, non? Ouais, bah ça, je me suis fait arnaquer. J'avais pas mon père, il m'en sait pas, je sais pas pourquoi. Tu m'étonnes. Mais pour le coup, ouais, je peux en parler un peu, là? Non, écoute, on va peut-être pas en faire la nuit non plus, hein. Non, non. Non, mais ça, moi, j'adore les poils. Ah, tu vois. Quelle horreur. Il est pas trop complexé avec ses poils? Non, il s'en branle, je pense. Non, t'es pas non plus extrêmement poilu. Non, mais je suis pas poilu. Le problème qu'il y a, c'est que la dernière fois, c'était un pari sur le torse. Si. Mais c'était un pari sur le torse, mais de rasage et pas d'épilation. Donc du coup, j'ai le poil qui j'ai toujours dur un peu, ouais. Eh ouais, bah ça du va coup, être faut dur. Que je me fasse épiler. Voilà, c'est ça en gros, c'est ça. Bon, Anthony, donc toi t'as eu la première escroquerie. Donc on a Florian également qui s'est fait escroquer par rapport à une idée de scénario de film, machin, etc. On lui a piqué l'idée, on a fait un truc derrière son dos. Si vous aussi vous avez été victime d'escroquerie, eh bien n'hésitez pas à nous appeler 01 55 64 13 25. Anthony, reste là, Florian, reste là. On aura Ambre aussi dans quelques instants qui voulait aussi réagir à Florian. T'es là, Ambre, ça va bien? Ouais, ouais, ça va. Bon, très bien, Ambre, sois la bienvenue. T'as quel âge, toi? 16 ans, très bien. Bon, bah, bouge pas de là, toi aussi, tu t'es fait escroquer? Bah oui, je suis avec Florian, en fait. Ah, très bien. D'accord. Bon, alors, bouge pas de là, Ambre. Tu fais trop bien, Julien Courbet. Quoi? Tu fais trop bien, Julien Courbet. Oh, ça fait longtemps qu'il fait plus ça, quand même. Si vous êtes fait escroquer ou arnaquer, n'hésitez pas à nous téléphoner tout ce soir. Fait. Et c'est la petite copine de Florian? Non, c'est sa pote. Elle a dit, je suis avec Florian. Ambre, reste là. Les autres, donc si vous êtes déjà fait escroquer, allez-y, 01 55 64 13 25. Et je viens de recevoir un mail. Michael, tu ferais une heureuse si je pouvais avoir un iPad. Reste plus qu'à rêver et attendre toute la nuit. Ah non, mais n'attends même pas, hein. C'est pas la peine d'attendre toute la nuit, tu vas perdre ton temps, Sandra. Oui, moi aussi je vais me faire un mail à moi-même. Oui, j'aimerais bien un écran 52 pouces. Mais le iPad, on peut le gagner sur Gomme Radio et sur oui, mais là je n'en ai pas. Bah là tout de suite on en a pas, quoi. Voilà, c'est quand j'en ai bien à côté de moi, mais par contre il est pas à moi, non. Ah, il est pas à toi celui-là? Ah non, et je vois pas l'intérêt moi d'un iPad. J'arrive pas à trouver l'intérêt pour l'instant. Il y en a plein qui en trouvent un, hein, mais moi je sais pas à quoi ça sert. Oh, si le jeu Angry Birds sur iPad, il est canon. Non, ouais, pour jouer c'est sympa, ouais, mais pour regarder les films aussi, mais je veux dire pour le reste du temps, enfin je sais pas à quoi ça sert. Pierre, il a entendu Angry Birds, il a dit allez, je joue. Ah, hop là, c'est parti. Ils ont fait la version de Noël que j'ai. Ah, génial. C'est quoi ce jeu? C'est trop bien. C'est trop bien. Ils ont fait un calendrier de l'Avent, en fait, avec les 25 jours de décembre. Et tous les jours, t'as un level qui apparaît, en fait. Mais il faut attendre et t'as un compte à rebours. Genre là, moi, j'ai fait les 6 premiers. Je vais faire du coup le dernier, là, hop, que j'ouvre maintenant. Et puis voilà, je m'amuse. Donc voilà. T'es obligé d'attendre un jour pour faire un niveau suivant? Et ouais, c'est ça qui est un peu relou, mais au final, là, j'ai le level 7. Le level. D'accord. Bon, on va revenir dans un instant. Alors, il y a eu des buts entre temps. La Benfica Schalke 04, 1-0 pour Schalke. C'est dommage, fait chier. Un partout pour Twente Tottenham. Il y a également 1-0 pour les Rangers face à Bursaspor. Et c'est tout pour l'instant. Tous les autres matchs, c'est 0-0. Et puis, bien sûr, on vous tient au jus dès qu'il se passe quelque chose. On parle des arnaques encore tout à l'heure. On parlera aussi là de qui veut épouser mon fils sur TF1. Et puis Peter Lutz, maintenant c'est parti. On écoute The Rain sur Goom. Peter Lutz à l'instant avec The Rain sur Goom Radio. Et puis on dit apparemment que je donne le numéro du standard trop vite. Donc c'est 01 55 64 13 25. Voilà, bim. Voilà, 01 55 bien, 64 13 25. J'espère que vous avez bien noté. Voilà. Puis Thomas qui demandait c'est quoi le nom de l'appli pour les levels chaque jour. C'est Angry Birds, A-N-G-R-Y. Et plus loin, Birds comme oiseau. Au plus énervé. Ouais, ça a quand même l'air bien chiant. Hein. Non, c'est canon. En fait, le jeu au départ il s'appelle Angry Birds et succès mondial, c'est l'appli la plus téléchargée en deux semaines ou je sais pas quoi dans le monde. Et du coup ils se sont dit on va faire des trucs genre thématiques. Donc première thématique c'était Halloween et là ils ont fait Noël. Mais ils vont nous sortir les Saint-Valentin, tous les bordels. Mais c'est trop drôle. Oh, je me languis tellement pas la Saint-Valentin. Ah bah moi non plus. Il y a Doodle encore. Jump aussi. Il y a quoi? Doodle Jump. C'est encore ton truc de musique? Mais non, c'est Jumble. Ah oui, c'est Doodle Jump, ça passe à la télé, la pub. C'est le petit bonhomme qui est trollé et qui saute sur des petits morceaux de bois ou je sais pas ce que c'est. Ah. Et il faut que tu le fasses monter le plus haut possible. Là, je suis en train de jouer en même temps. Oui, ça a l'air très intéressant. Tu fais mais je te jure, c'est un truc, t'arrives plus à t'arrêter. Je joue de partout. Mais j'ai vu le jeu tout à l'heure, ça a l'air d'un chiant. Non. Mais qu'est-ce que c'est chiant, c'est non, un truc de c'est fou. Pas chiant, mais en soi, tu peux plus t'arrêter. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs y jouent. Ouais, ah bah bon, je suis pas sûr non plus hein, pour c'est le coup, nul hein. Et elle joue tout le temps à ça toute la journée, elle te parle et elle fait nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, et j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais, vous avez, vous avez vu comment on s'éclate ce petit extraterrestre. C'est pas mal hein. Bon, ce que je propose avant de reparler des arnaques là, c'est de faire l'arnaque avec Pierre maintenant hein. Oui, c'est un petit peu ça finalement. Pour la journée internationale, c'était la journée internationale de ceux à qui il manquait une case. Des fous. Ouais, voilà, en gros. Des malades. Ça. Voilà, c'est ça. Je voulais être plus sympa. C'est parti. Juste derrière, on aura Louis, Ambre, Anthony et Florian qui sont bien sûr toujours là pour parler des arnaques. Allez, c'est parti. Journée internationale des fous. Bonjour, je vais vous demander juste un tout petit instant, merci. Oui, bonjour. Veuillez rester à l'écoute. Merci d'avoir patienté, bonjour. Elle est géniale la musique. C'est vrai? Elle est géniale, j'adore ces guinzous. Ça envoie ça. Ah bah c'est bien, ça fait plaisir. Et ça c'est rock'n'roll. Ça fait rock'n'roll. Oh yeah, wouh, ça me rappelle en 70. Ah c'est génial. Ah bon, vous voulez encore un petit coup de musique? Allez, soyons fous. Assez, merci. Ah d'accord. Je veux prendre rendez-vous chez le psychiatre. Ouais. Parce qu'il paraît que je suis fou. Il paraît que vous êtes fou. Ouais, alors que non, moi j'aime juste la bonne musique. Vous voulez me prendre rendez-vous là? C'est qui votre médecin? Mais j'en ai pas encore. Ah d'accord. En tout cas la musique. Pouh. Elle était dingue. Excellent. Ah, excellent. Et c'est vous qui êtes excellente. Bon, avec qui vous voulez? Avec le docteur Dubrou, le docteur Lotellerie? Peu importe. C'est toi qui fais ta cuisine. C'est moi qui fais ma cuisine. Eh, c'est toi qui fais ta cuisine. Moi, je fais un rendez-vous et je veux des cachets. Ah oui. Vous êtes envoyé par qui? Envoyé par l'armée. Par l'armée? L'armée de terre. C'est la guerre. Oh, c'est fini maintenant. Ouais, bah c'est fini ou pas hein. Oh, excellent. Hey, est-ce que je peux avoir un rendez-vous pour avoir des cachets? Ah ouais, je vais vous donner un rendez-vous. Ouais, bah j'en veux deux. Deux rendez-vous? Oh, bah déjà. Un le matin et un le matin. Oh, excellent. Oh là là. Allez, donnez-moi rendez-vous là. Allez, vite. Le temps passe. Alors, vous pouvez venir le vendredi 8 octobre à 16h30? Bien sûr. Bien sûr, je serai là. Alors, donnez-moi votre nom. Alors, vous notez? Ah, bien sûr. L'oiseau? Oui. N'a pas de bec. Et d'accord. Voilà, c'est mon nom de famille. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui. Bon, allez, ben, je vais vous laisser. Non, reste avec moi. Oui, la journée internationale des fous, c'est ce que je disais, donc quand Pierre a téléphoné pour cette journée internationale des fous, justement. Voilà, si vous avez d'autres idées, bien sûr, il le fera, il n'y a pas de problème. Celui-là, en l'occurrence, on l'avait déjà mis, mais pour ceux qui ne l'avaient pas encore entendu, il avait été beaucoup demandé. Voilà, journée internationale des fous, donc à l'instant, avec Pierre, et donc pour les propositions, 01 55 64 13 25. Et Fabienne qui disait trop fort, je l'avais déjà entendu, mais c'est toujours aussi bon, bravo Pierre. Il est génial, tu l'as vraiment. Voilà, c'est vrai qu'il était pas mal. C'est vrai que la musique d'attente, elle est trop bien. Elle était pas mal. Tu crois que la meuf, elle t'a pris au sérieux, non? Bon, en tout cas, jusqu'au nom, à mon avis. Ouais, parce qu'elle te donne le rendez-vous. Oui, ouais, c'est vrai qu'elle donne le rendez-vous, pour le coup, c'est vrai. Elle s'est dit, je vais faire un original un peu barré, mais bon, pas méchant, quoi, au final. Bah oui, voilà. Et Caroline qui dit, Pierre, c'est le meilleur, je suis mort de rire, sur le coup. Et Mélie qui dit, des plus fous que je connaisse, c'est le premier. Oui, c'est vrai que moi aussi, pour le coup, on est bien d'accord à ce niveau-là. Bon, retour maintenant avec Anthony, avec Ambre également, et puis avec Florian. Hein, Florian qui nous avait appelé en début d'émission pour nous parler du fait qu'il s'était fait escroquer, en fait. Hein. En gros, vous aviez une idée de film et donc on vous a chouré le film. C'est ça, Flo, hein? Non, en fait, on avait passé un casting, c'est eux qui lancent un film, quoi. Alors, parce que là, depuis le début, je suis dans une autre dimension, alors. Alors, pareil, ok, du coup, parce que du coup, j'ai rien compris non plus, là. En fait, t'as acheté un chien en Afrique. Alors, ça, c'était Anthony. Donc, Florian, donc, t'as juste fait un casting. En fait, ils ont pris quelqu'un d'autre et tu te sens volé. Non. En fait, bon. On a fait le casting pour un film. En fait, le film n'a jamais eu lieu. On est monté à Paris pour rien et tout. En fait. Oui, mais c'est un casting. C'est pas obligatoire. Non, mais attends, s'ils leur ont fait acheter des billets de train pour venir faire un film et qu'au final ils sont arrivés sur le tournage, non, on a plié bagage, les gars. Il y a plus de tournage. Non, mais un casting. On est des faux contrats et tout. Ah là, c'est autre chose. D'accord, ok. Alors attends, parce que Ambre visiblement donc effectivement te connaît aussi. Donc qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Bon, salut Ambre. Re-salut. Ça va bien. Alors, quel était, parce que comme Florian nous a dit dès le début qu'il avait un petit peu de mal, il savait pas trop quoi dire, comment le dire, etc. Est-ce que toi tu le sais, le comment dire? Bah oui. Alors en fait, ça a commencé il y a un an. Attends, je t'interromps encore une fois, mais tu es qui toi par rapport à Florian? Je suis une copine. D'accord, mais t'as fait partie de la fête là, de l'escroquerie ou pas? Oui. D'accord. Tu jouais dedans toi aussi? Oui. D'accord. Ok. Bon bah parfait, très bien. Alors, je t'écoute. Il y a un an, ça a commencé par plusieurs réseaux sociaux sur Internet, Skyrock, Facebook et tout. Ouais. Comme quoi, une jeune réalisatrice qui était avec des grandes productions créait une comédie musicale événement. Donc, on était plusieurs à participer. Elle avait mis 1500 candidatures et tout. Et en fait, à partir du 13 février, il y a plusieurs rendez-vous sur Paris qui ont commencé. On avait été pris donc avec Florian. On est parti en studio que... Cette fille n'a jamais payé et donc on a payé plein de billets de train pour rien. Elle nous a promis des sommes qu'on allait gagner, c'était faux, des contrats qui étaient faux, des voyages qui étaient faux. Enfin. Mais elle avait quel âge la meuf? Elle était hyper jeune. Ouais. Fallait pas la croire. Non mais genre, elle a gagné quoi, c'est facile. Enfin, ben, fallait pas la croire. Bah oui, ouais, bah évidemment. Ouais. Non mais elle a gagné quoi? C'est ce que je me demande quoi. Non mais rien du tout. Mais le truc. C'est que comme on nous a trop vendu du rêve, on était obligé d'y croire parce que c'était notre passion, c'est notre passion. Donc on était obligé d'y croire, de dire bien sûr. Qu'on n'avait rien à perdre. Ouais, bah ouais. Voilà. Non, et puis de toute façon, ça fait rêver. Donc quelque part, tu crois à mort. Ouais. Même si tu peux te dire, putain, c'est un casting, autant ça va pas le faire, autant ça va le faire. Ouais, au moins, le fait de, voilà, d'accéder à ça, vu que quand c'est un rêve, forcément, t'as un peu des œillères, tu vois. Tu peux pas croire une seconde que c'est une arnaque. Ouais, et puis surtout, faut continuer à y croire, hein, parce que des arnaques, vous tomberez probablement sur d'autres arnaques encore, mais. Ouais, malheureusement. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les trucs où tu dois payer, c'est qu'il y a un bins, quoi. Normalement, quand on vient te chercher pour un film ou une comédie musicale, on te paye tes billets de train, c'est con, mais moi, j'ai dû faire un truc dans ma vie, on m'a payé ma ça bouffe, dépend, mon essence, pas, mon. Pas quoi, c'est un casting, quand on t'appelle pour le faire, oui. Non, mais ils ont été choisis, ils ont signé des contrats. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, tu payes pas ton billet de train quand t'as signé des contrats pour une super production, hein. T'as jamais eu ça de ta vie, quoi. Donc, à l'avenir, c'est ça le conseil, à mon avis, c'est surtout dès que t'as du fric à débourser, du moment où t'as signé un contrat, non quoi, tu débourses pas de fric. Ouais. Et donc, du coup, à partir de ça, on a décidé de faire comme une revanche au cinéma avec le film Fake. Et ça, c'est cool. Ouais, bah oui. Et donc, en fait, trop mignonne. Ça va surtout montrer jusqu'où les gens sont prêts à aller pour être célèbres et tout ce qui est comme ça, quoi. Ah bah à mon avis ils vont aller bien loin, hein, t'inquiète pas, hein, c'est à dire que pour être célèbre et pour avoir de l'oseille, il y en a qui sont prêts à tuer, hein. Ah bah exactement, ouais, c'est ça. Et je pense que ça sera beaucoup une histoire qui va changer, parce qu'il n'y a pas de film qui montre ceux dont on n'entend pas parler, ceux qui galèrent et tout pour réussir et tout, on n'entend pas parler de ceux-là. Mais vous avez des fonds pour faire ça? Un petit peu, mais ça va être vraiment un film genre caméra à l'épaule, ou vous avez un réa et tout ça, tout ce qu'il faut? On a déjà une petite équipe autour de nous, mais on veut aussi avoir une production. On a aussi notre site internet, notrefilm.net, et on demande aux internautes qui veulent, s'ils veulent bien nous donner des fonds. C'est quoi ton site? Notre film. Non, ne donnez pas, c'est une arnaque. Non mais en fait, en gros, concrètement, c'est un peu comme My Major Company. Ouais, c'est à dire que vous voulez faire un film, et au final, c'est les internautes qui vous filent un peu l'oseille, et puis avec l'addition de tout l'oseille, bah, vous allez faire le film. Enfin, s'il y a moyen, quoi. Oui, voilà. C'est un peu ça, c'est un peu le My Major Company, mais pour le ciné, quoi. Et c'est quoi, c'est un long ou c'est un court? Un long métrage ou un court métrage que vous allez faire? Long métrage. Long métrage? Waouh, putain. Ah, et putain, mais vous savez combien ça coûte? Enfin, je veux dire, vous avez déjà prévu un petit budget, tout ça? Bah, c'est. On a 47,90€. Non, non, mais. C'est cher la 3D, fais gaffe, hein. Non, mais c'est surtout pour ça qu'on attend d'avoir des réponses des productions. On essaie de tout faire, de faire parler de nous, essayer de faire. De pouvoir faire un buzz ou des choses comme ça. Tu connais Luc? Pour vraiment qu'on se fasse remarquer. Qui? Luc. Non. Luc Besson, en fait. Hein. Luc Besson. Oui, Luc Besson, ouais, d'accord, ok. Est-ce ouais, que je peux le mettre en rapport avec lui? Ouais, c'est ça. J'avais pas compris cette vanne de merde non plus, effectivement. Bon, bah, du coup, bah, bonne chance pour votre film. Alors, rebalance éventuellement l'adresse si jamais il y en a qui veulent aller dessus pour laisser soit un commentaire, soit mettre un peu d'argent si vous voulez investir dans un film, pourquoi pas. Alors, attention, parce qu'il y a un truc important. Si jamais le film ne se fait pas pour une raison X ou Y, vous remboursez quand même ou pas? Bien sûr que oui, parce que le but, c'est pas de réarnaquer les gens. Non, mais bien sûr, non, mais tu sais, après, truc, franchement, moi, je te le dis direct, si je suis sur un site internet et que je vois « faites un don », franchement, je fais pas, hein. Ouais, moi, perso, je le fais pas non plus, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire, hein. Après, c'est bien, c'est pour ça que t'es là et que t'en parles, c'est cool. Après, est-ce qu'il y a un truc vraiment légal, tout le bordel qui a été fait, genre, je sais pas si c'est par huissier ou j'en sais rien, mais tu sais, genre, voilà, si le... Alors, admettons, je mets 10€, le film, il cartonne, est-ce que je récupère ma mise et un bénéfice? Oui. Donc ça veut dire, si je mets 10€ et que le film marche et cartonne tout le bordel, voilà, il y a moyen d'avoir d'oseille. Mais alors ça, c'est marqué, il y a un contrat, tout le bordel, ou comment ça marche? Bah, dès qu'il y a des dons, en fait, ça part dans une petite entreprise, et ensuite, bah, il y a l'échange, les informations et tout qui sont par la suite. D'accord, ok, très bien. Bon, bah voilà, bah, ça paraît, c'est bien, vous avez bien ficelé le truc, apparemment, en tout cas, ouais, bah c'est cool. Bah, en bref, Florian, bah, bonne chance à vous, hein. Merci, ouais. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Redonne l'adresse. Ouais, vas-y, encore un coup, hein. Alors, l'adresse, c'est notrefilm.net. Ensuite, il y a la page Facebook qu'on va vous mettre sur la page de Michael officiel. Eh ben, génial. Et on voudrait vous demander, si c'est possible de faire des vidéos très courtes avec, en disant une nuit sous nos souris, et nous les mettre sur la page de Facebook. Attends, il faut dire quoi? J'ai rien compris. Faire une petite vidéo où vous dites une nuit sous nos souris. Parce qu'en fait, c'est notre slogan. Une huître nous sourit? Non! Non, mais c'est ce que j'ai compris. Ouais, je comprends pas, moi. Moi, j'ai compris de l'arbitre à siffler, donc tu vois, ouais, moi, j'avais compris une huître nous sourit, alors je dis même pas vrai, je dis ça. Je me dis, ah merde, l'arbitre a sifflé, là, des gens qui font le match. Non, et donc, alors qu'est-ce qu'il faut dire? Unis tout nous sourit. Ah, unis tout nous sourit. Faut le dire vite ou pas? Rajoutez des i la prochaine fois. Ouais, encore un peu plus, ouais. Aujourd'hui, unis tout nous sourit. J'ai fait pipi. Avec une souris. Et des raviolis. C'est un mardi. Soutenez-nous, ça va être super plaisir et tout, et puis aimez la page Facebook. Et tout. Bon, on va le faire direct là. Eh ben voilà, ouais, pas de problème. Non, mais c'est vrai, on va faire. Merci, non, mais... merci Ambre, et merci à toi, Florian. À bientôt tous les deux. Bisous. Allez, ciao. Bye bye. Et puis bonne chance. On aura Louis dans un instant aussi qui voulait réagir par rapport aux arnaques. Donc bah reste là, Anthony. On va en parler dans quelques instants. Et puis il y a aussi eu les Gérard qui sont sortis. Exactement. Et oui, il faut qu'on en parle des Gérard aussi tout à l'heure. Hein. C'est les Gérard, c'est les animateurs qui ont été récompensés, ouais, par en gros parce que c'est les pires, quoi. Ouais, gros, c'est un peu ça. Mais voilà, les catégories sont trop drôles. Ouais, les catégories sont drôles. Donc on va en parler dans quelques instants. Ça chauffe là pour Lyon. Là, il y a la poêle, il pousse, hein, il pousse bien. Là, il y a aussi un but pour le Werder de Brême face à l'Inter de Milan. Toujours 0-0 pour le Barça. On est presque à la mi-temps. C'est quand même ça, c'est étonnant. J'ai 4-0. Putain, j'ai chaud, là, mec. Ouais, là tu peux pour le coup. 1-0 pour Copenhague aussi. 1-0 pour Valence face à Manchester United. Et puis les autres, j'en avais déjà parlé tout à l'heure. Donc ne bougez pas. On se met un petit peu de son maintenant avec Bruno Mars et Just the Way You Are, et puis on revient juste après avec un petit coup franc pour la poêle là. Attention, on va suivre peut-être le truc en direct. Attention, peut-être un but. Et pas de but. Voilà. Allez, on revient. 0-0, c'est la 39e minute de jeu. Bruno Mars avec Just the Way You Are à l'instant sur Gaume Radio, 20h-23h tous les soirs. On est là avec bientôt la mi-temps là pour les matchs de la Champions League, et rien n'a bougé depuis le disque, hein, donc tout va bien. Enfin, ça dépend pour quelle équipe, on va dire ça comme ça. Et puis un petit corner encore pour les Lyonnais là, avec pas de but comme d'habitude. Ils ont failli marquer tout à l'heure. Ils ont failli. Non mais ça fait plusieurs fois qu'ils ont failli marquer, mais c'est pareil aussi pour Tel Aviv, hein, qui a déjà failli marquer plusieurs fois aussi. Donc c'est 0-0 en tout cas pour l'instant. C'est la 43e minute sur à peu près tous les terrains. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire, oui, les Gérard, donc on va en parler maintenant. On reparlera aussi des escroqueries dans un instant avec Louis et Anthony qui sont toujours avec nous. Et puis ça y est, hein, donc il y a eu les Gérard qui sont sortis. Ça a été diffusé sur Paris Première, c'était hier soir, c'était à Paris donc. Et puis plusieurs émissions ont été distinguées, hein, genre La Ferme Célébrité sur TF1 qui a décroché le Gérard de l'émission au titre mensonger. Tellement. Exactement. C'est trop drôle. Il y a eu le Gérard de l'accident industriel qui est allé à Coé pour l'émission Ça va se Coé sur TF1. Alors attention, TF1 a été récompensé. Pour le titre aussi, non? Ouais. Bon, ça va, ça, c'est encore, c'est original. Ah non, Ça va se Coé, c'est dur. Bah ça va. Bah, c'est le jeu de mots, quoi, comme la méthode Coé. Bah oui, voilà. Vous savez bien la méthode Coé? Oui. La méthode Coé. C'est un truc pour se sentir bien. Je vais bien. C'est ça, c'est bien là. Bon, et donc sinon, il y a donc TF1 qui a été récompensé pour l'émission MasterChef, avec le Gérard de l'émission où on te fait croire que tu peux réussir un millefeuille de gambas et asperges vertes pochées minutes. Voilà. Donc, alors que t'as déjà du mal à le faire cuire avec tes coquettes, donc si tu veux, c'est pas gagné. Le service public qui n'a pas été oublié, encore heureux, hein, par le jury qui réunit des journalistes spécialisés, donc faut le savoir. William Lémergie, pardon, sur France 2, qui s'est vu décerner le Gérard de l'animateur accroché à sa chaîne comme un vieux morpion. Exactement. Oh non, mais j'aime bien William Lémergie. Voilà. Stevie Boulet sur France 4, qui a été élu animateur qui porte bien son nom. Avec Ruquier, ouais. Voilà. Alors il y a aussi le Gérard de l'animateur qu'on n'a pas envie de voir en slip, hein, qui est allé à Éric Zemmour dans On n'est pas couché sur France 2. Laurent Boyer sur M6 a été désigné comme l'animateur qui avant manquait de présence à l'écran et qui maintenant manque de présence sur l'écran. Il y a Mouloud Achour aussi qui a été récompensé par le Gérard du Rebeu Cool de Canal. Jean-Marc Morandini pour son émission Présumé Innocent sur Direct 8, qui est aussi au palmarès avec le Gérard de l'animateur qui s'est trompé de métier. Les autres sont drôles, tu vois, mais celui-là, celui-là est très violent. Et j'avais vu une nomination, est-ce que tu as le résultat ou pas, de l'animatrice contre un mal d'une chaîne à l'autre parce qu'on sait pas où la mettre. J'ai pas celui-là, c'est dommage. Merde, je sais pas qui l'a. Ouais, bah c'est pas grave. Bon, écoute, on va se renseigner. Et puis Ariel Dombal aussi, qui a été distingué par le Gérard de l'actrice qui bénéficie des réseaux de son futur ex-mari. Excuse-moi, j'ai trouvé. En fait, le titre exact, c'était le Gérard de l'animatrice que les chaînes surfilent comme un herpès à chaque rentrée. Elsa Fayer. Oh merde. Putain, c'est dur, si ça pourrait. Ce qu'elle a pris dans la gueule. Puis il y a Johnny Hallyday aussi qui a reçu un Gérard, hein, pour la publicité qu'il a tournée pour un réseau d'opticiens. Donc, hein, il a reçu Gérard de la pub tellement stressante qu'elle te donne envie de débrancher ta télé, renoncer à la société de consommation. Donc, et grâce à une critique constructive du paysage audiovisuel, les créateurs des Gérard de la TV, Arnaud Demanche, Frédéric Royer, Stéphane Rose, on dit que l'année prochaine ce serait encore mieux et encore plus drôle. Donc et ils essayent grâce à ça d'améliorer les programmes et les animateurs. Les Gérard, non? Si sur Paris Première. Ah oui, c'est vrai. Non mais c'est énorme, ils ont quand même tapé aussi sur Michel Denisot, hein. Mais ouais, ils sont dans le grand journal. Gérard de l'animateur qu'il faudrait éliminer, s'il te plaît. Oh, ça va, attends. C'est assez dur quand même. Faustine Bollaert, t'en en prends une bonne aussi, hein. Le Gérard de l'animatrice qu'il faudrait supprimer. Bah ouais, la même chose. Ah bah tu viens de le dire. Ouais. Et attends, ils sont trop devant. Le Gérard du meilleur générique de fin, celui des Gérards. Quel monde d'enfoiré. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, je sais pas si vous avez vu les Gérards justement là, mais si vous voulez venir nous en parler, n'hésitez pas. Pareil donc pour chaque fois j'oublie qui veut épouser mon fils. Voilà, c'est ça. Donc 01 55 64 13 25. Vous pouvez aussi venir nous parler sur le Facebook, facebook.com/mikl officiel avec Corentin qui est connecté. Il y a Maïda également, il y a Tania qui dit la TV maintenant c'est une poubelle, c'est horrible, ça fait longtemps que je la regarde plus. C'est dommage parce que là il y a plus de chaînes qu'avant. Et puis Anne qui dit c'est énorme les Gérards, mort de rire pour Stevie Boulet. C'est Anna qui avait envoyé le message, bah c'est ça hein. Easy aussi qui dit c'est quoi le numéro pour appeler parce que la blonde l'a pas noté. Oui Easy, alors c'est 01 55 64 13 25. J'ai pas tout noté non plus hein. Oui bah c'est pas grave, c'était une vanne. Ouais, je suis blonde donc c'était sur l'occasion quoi. Et c'est rediffusé demain apparemment. De quoi les Gérards? 17h25 ou je sais ouais, pas. Ouais bah à mon avis ça sera encore encore plus diffusé hein. Et dimanche. Oh, oui. Non ouais. Mais tu crois qu'un animateur qui l'a eu, il en parle dans son émission quoi, genre un Michel Denisot grand journal. Et mais donc j'ai eu le Gérard animateur le plus il y en a certains qui viennent le chercher en plus. Non mais là Eric Zemmour il était pas là, c'est Eric Nolot qui est venu le chercher. Non mais pour la vanne. Non mais tu reçois un Gérard, c'est il faut prendre ça au second degré, il faut pas prendre le premier. Enfin si, ça dépend qui. Mais en même temps si tu reçois, tu t'es trompé de métier, c'est quand même dur de le prendre dans un second degré. Le pire acteur, comment ils appelaient ça là? Le truc du pire acteur pareil. Et c'est souvent Lindsay Lohan. En fait. Lindsay Lohan qui l'avait reçu là. Oui. De la pire actrice ou Paris Hilton. Comment ça s'appelle ce truc? C'est les. C'est pareil mais aux États-Unis. Ouais, mais c'est pas. C'est les. Non, là, les BAFTA, c'est les Oscars anglais. Ouais, c'est genre les... en gros, c'est les trucs américains de. Exactement. Des ouais, mais c'est du cinéma. Et l'année, c'était Sandra Bullock et elle est venue le chercher. Ah oui, elle est venue le chercher, exactement. Et elle était nominée aux Oscars pour un autre film et aux je sais plus quoi justement pour ce film. Les Yummy, non? Les Yummy Awards. Parce que Yummy, ça veut dire dégueulasse. Ouais, je crois que c'est ça, les Yummy Awards. Et donc, c'est sympa quand même. Bah, mais c'est pas drôle, après, tu vois, c'est rigolo. Non, il faut avoir un second degré. Là, on trouve ça drôle parce que. Parce que c'est pas pour nous, ouais. Mais le jour où on se chope ça, je peux vous dire. Oui, mais que... de le prendre mal, ça voudrait dire que tu penses réellement que c'est vrai, mais si tu t'en fous, tu le prends au-dessus de la jambe. Ah non, mais attends, il y en a pour qui c'est vrai, hein. Non, mais il y en a que c'est vrai, mais c'est, je trouve ça mythique quand il y a des personnes qui viennent chercher leur Gérard, quoi. Ah oui, ils ont du second degré. Mais est-ce qu'on donne un vrai mec qui s'appelle Gérard ou pas en trophée? Je sais pas ce qu'il donne, il donne un. Non, il donne un trophée. Non, mais il donne un trophée de merde. Vraiment un chiotte ou un truc comme ça, je crois, un truc vraiment nul. Non. Et t'y vas? Ouais, je crois. Enfin, bon, bref, non, je non, mais je pense pas que ce soit ça. Et vous iriez, vous, si vous receviez une récompense de merde? Bah oui, au moins tu aurais que tu peux parler devant des gens et tu repars avec un. Non, ouais. Mais attends, mais t'en as rien à foutre de parler devant des gens au moment. Non, mais tu sauves la face, quoi. Et voilà. Ouais, parce qu'au final, limite. Voilà, t'as de l'humour, mais ton ego il en prend un coup. Enfin, d'ici à ce qu'on soit nominé, hein, je peux te dire. Déjà, faudrait qu'on soit connu ou. Ouais, déjà, faut faire effectivement la télé ou du cinéma pour bien faire. Hein. C'est ça en fait. Michel, jamais toi? De quoi? De Gérard? Ouais. Bah non, pourquoi tu veux que je fasse pourquoi tu veux que j'aille bah Gérard? Je fais la télé. Non mais attends, je fais la télé depuis deux jours. Mais alors t'es doué? Oui bah oui justement. Alors si jamais c'est le cas, je devrais pas recevoir. J'irai le chercher pour toi. Ouais, attends, bah, pourquoi si ils veux, disent ouais. Que Magloire c'est le seul courageux à être monté sur scène pour récupérer son trophée? Ah je sais pas, il y a peut-être qu'il n'a qu'un seul. Ah voilà, c'est des parpaings. Ils offrent des parpaings et je crois que c'est il y a que Magloire qui est allé. Il est allé récupérer son trophée de l'animateur qui porte mal son nom. Et son qui porte mal son gros coup. Oh là là, Magloire. Ouais, Magloire, c'est dur aussi, hein. Mais apparemment, ouais, apparemment, putain, c'est le seul qui est allé chercher le truc. C'est drôle qu'il porte mal son nom, Magloire, je trouve ça magique. Ouais, mais c'est tellement. Mais, ici, ils me font trop rire, les mecs. Inventer les catégories, ouais, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, dans un instant, on prend Louis. Je vous rappelle également que si vous voulez venir taffer avec nous, là, en tant que stagiaire, là, vous pouvez aller vous inscrire sur myfairjob.com toute cette semaine. Et à partir de lundi, on fait péter les CV et on voit. Bon, on va jouer les patrons, en fait, tout simplement. Hein. On fait va votre entretien, ouais. Ouais, voilà, ouais, on va faire votre entretien téléphonique, voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire, donc myfairjob.com et puis celui ou celle qui aura le meilleur CV, enfin, pas forcément le meilleur CV, mais la meilleure lettre de motivation, le meilleur CV ouais. Aussi, enfin un petit peu tout ça. Ouais, quoi. Puis les compétences, quoi. Ouais, les compétences aussi, voilà. Et puis moi, c'est ce sera selon votre film préféré. Ouais, moi, ce sera selon votre gueule, hein, concrètement. Moi, ce que vous aimez bien faire comme sport. Aussi, ouais. Donc voilà, myfairjob.com, vous y allez et puis on prendra. Donc peut-être l'un d'entre vous en stage d'ici peu de temps. Retour maintenant avec Louis et Anthony qui est toujours avec nous aussi, hein, toujours là, Anthony. Oui. Bon, très bien. Tu suis un peu le foot ou pas là, non? Quoi? Tu suis un peu le foot ou pas là? Non, pas trop. D'accord. Je suis plutôt votre page Facebook pour le moment. Ouais, bah écoute, t'as raison, hein, tu peux y rester, y a pas de problème. Bon, attends, donc toi tu nous avais appelé parce que t'as été victime, enfin surtout tes parents, d'une arnaque, mais une arnaque de merde quand même, faut le dire, hein, puisque en gros tu voulais un chien, tes parents ont accepté, t'as trouvé un chien à donner sur internet en Afrique. Et puis, manque de peau, dommage, le hasard comme par hasard. Il fallait payer les le soins. Chien est malade, 300 ouais, euros de frais. Voilà, donc du coup, forcément, vous avez payé et au final, pas de chien, pas d'argent et même pas de vétérinaire. C'est ça? Voilà, mais le truc, c'est qu'après, eux, ils continuaient, donc ils avaient trouvé une autre excuse et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte, quoi. Ouais, genre, ils t'ont rappelé, il lui manquait un œil. Faut en racheter un œil, c'est 400 balles. Donc, ouais. Il y a que 3 pattes pour l'instant. Ouais, c'est ça. J'en ai une, mais il faut juste la mettre. Et ça coûte 30 euros. Ouais. Ça vient. Alors, moi, j'ai bien une chienne, mais pour avoir des petits, il faudrait que vous me payiez le mâle. Ouais, c'est ça. Si c'est possible, bah, voilà. Pourquoi pas. C'est hein. Ça. Bon, et toi, Louis, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? C'est ma mère, en fait. Pendant les vacances et tout, elle reçoit, tu sais, genre les mails, renvoyer nos mots de passe PayPal et tout. Ah, mauvais, ça. Et elle s'est fait prendre 1000 euros. Non! Et elle aurait pu se faire dévaliser encore plus, hein. Ouais. 1000 euros, c'est horrible, hein, déjà, mais elle aurait pu se faire tellement tout. Mais carotte. Ça arrive tellement au téléphone, surtout quand des fois on te demande également ton numéro de carte bleue. Non, mais ça jamais, mais enfin. C'est-à-dire que. Ouais, même, mais ça arrive même... à des vieilles personnes, tu vois. Ouais, personnes non, mais âgées. Bien sûr. Mais même votre banque, elle vous demande jamais votre code. Donc c'est pas. Non, c'est personne, ça, vous demande de, personne ne doit oui, vous demander votre la code. Oui, la SNCF, c'est clair. Par exemple. Non, mais ça sur un site. Non, mais ça, c'est si t'achètes. Si, donc c'est parce que t'achètes volontairement. Il peut avoir des dérives. Non mais bien sûr, mais non mais alors ça par contre pour le coup c'est vrai, hein, c'est-à-dire que quand vous allez au resto ou même quand vous allez sur internet vous réservez je sais pas moi un hôtel ou n'importe quoi, tu sais pour réserver tu vas donner ton numéro pour peu que la meuf elle le note aussi, bah elle fait sa vie, hein. C'est clair. En fait donc c'est non mais c'est no way, tu donnes rien et même pour les textos quoi, là juste à 14h36 après-midi je reçois un texto donc le 06 32 nanana, mon numéro de téléphone remporte un chèque en euros. Génial. Composer le 08 nanana. Si, moi je le fais. Pour le retirement immédiat. Pour retirer immédiat, je sous contrôle d'huissier. Alors 1,35€ par appel et 34 centimes d'euros la minute. Hein. Mais c'est des grosses conneries. Mais j'appelle de la radio. Attends, fais voir ce que je trouve tout le temps les failles dans ce truc. Non, mais les grosses failles, c'est là. C'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie et moi je reçois plein de ces trucs là. Comme par hasard, mon numéro. Eh, ouais. Ouais, comme par hasard, ouais. Bah t'appelles de la radio, tu vérifies. Ça se trouve, t'as 1000 euros gagnés quand même. On sait ouais, jamais. Ils vont dire, mais vous appelez pas du 06, nanana. Ah ouais, il faut appeler absolument. Non, mais ils s'en branlent, hein, tant qu'ils peuvent pomper le pognon. C'est un peu comme l'audiotel qu'on avait fait, quoi. C'est des, ça va être une message de l'huissier qui se caresse et puis ouais, c'est voilà, tout, c'est ça. c'est un truc de Sergio, ça. Ouais, c'est ça. Veuillez attendre 10 minutes. 10 minutes. Et là, comme par hasard, après, ça se coupe. Et après, malheureusement, un problème technique. T'sais, tu reçois SMS de nouveau que tu payes, mais fais gaffe parce que parfois, les SMS payants reçus, hein. Ah non, ah, si, non, mais bien sûr, ça existe. Mais c'est horrible. Non, mais là, parfois, t'envoies que ça, là. Parfois, t'envoies des SMS et en fait, tu sais, t'as un SMS, ça te coûte 35 centimes les messages envoyés ou reçus. Ça veut dire que si tu en envoies un, ça te coûte 35 centimes et si t'en reçois un de leur part, c'est aussi 35 centimes. C'est cher, c'est chiant. Non, mais c'est pas possible, là, c'est no way. Tout ce, bah, qui, non, tout ce que tu reçois, si tu c'est gratuit. Non. Donc, ça veut dire que le mec, bah alors, mais moi je vais me mettre dans ce business là. Et je t'enverrai des textos, mais toute la journée, t'as nickel. T'as des SMS surtaxés. Non, mais bien sûr, après t'as des escroqueries, mais oui, tu peux payer pour recevoir le SMS, ouais, bien sûr. Putain, hein. C'est un problème. Mais c'est comme avec les services SFR Musique, n'importe quoi. SFR, quand t'appelles genre le 900 ou le 950, la dernière fois, je pensais que c'était gratuit, mais c'était pas du tout gratuit. Alors, c'est gratuit pendant la mise en attente, ouais. Et le mec, il m'a fait. Mais non. Si, la mise en attente, oui, la musique après, et tout. Ah oui, voilà, et une fois gratuit. Qu'il parle, le mec, t'as remarqué, je sais pas, mais il met 1000 ans. Surtout qu'il te pose 10 000 questions pour savoir si vous avez déjà quoi faire cette semaine. Vous êtes une belle coiffe, dis donc. Vous avez pas perdu un peu de kilos là? Ah si, parce que je fais du sport. Ah, c'est cool. Au moving? Non, Club Med. Ah, génial, Club Med. Et là, le mec, il te raconte sa life et tu t'en branles, mais c'est juste pour encaisser. Mais c'est vrai. Ah, ouais. abuse pas. Non, mais franchement, moi, c'est limite, c'est tout le temps ça. Bon, et Louis, vas-y, continue donc ton escroquerie alors. Bah, du coup, après, là, bah, tout bloqué, quoi. Et du coup, bah, moi, j'ai regardé l'adresse et tout. Et mais avec PayPal, normalement, ils ont des assurances et tout. Donc, si tu les préviens, ils te rendent l'oseille. Hein. C'était pas PayPal et tout, c'était un autre pays aussi. Donc, Ah, c'était pas PayPal, oui. Ah, d'accord, ouais, okay. Bah là, ouais, d'accord. Et après, oui, quand j'ai regardé, du coup, moi, le site et tout, et je fais merde, bah, c'est pas PayPal, c'est un autre site. Et elle a regardé directement. Elle a pas regardé ça, en fait. Elle a donné direct. Ah, d'accord, ok, oui, bah, vu comme ça, forcément. Bah écoute, et là donc du coup c'est mort, les 1000 euros dans le fion quoi. Ouais. Ah, oh putain, là, 1000 balles quand même. Mais la pauvre. 1000 euros dans le fion, 1000 euros dans le fion. Et surtout quand ça t'arrive à ta mère, t'as juste envie d'aller tout casser. Non, ouais, mais le plus c'est le jour de son anniversaire, non? Non. Ah non, d'accord, j'ai attendu. C'était le jour de ses 40 ans, c'est quand même dur. C'est le mec qui demande des détails. C'est ça, exactement. T'as, c'est quoi en plus quand ton petit frère est né, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle l'a pris au téléphone en voiture. Pff, voilà, c'est dur. Hein, c'est alors vous alliez manger chez vos grands-parents. À Pâques. Voilà. Quelle tristesse. Le mec s'invente une vie, mais grave. Et toi, Louis, à titre personnel, t'as déjà été victime d'escroquerie ou pas? Non. Non, jamais? Non. Bah. T'inquiète, ça va venir. Avec l'âge, vrai. Avec l'âge. Non, non, mais ça va venir, un moment ou l'autre, ça va venir, c'est sûr. Mais non, t'es pas cool. Bah quoi, il y a un moment, faut être lucide. Bah, t'es pas cool. Ça va arriver un moment ou l'autre, te faire escroquer, pardon. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah Louis, merci à toi d'être passé, en tout cas, tu reviens quand tu veux, hein. Bah, de rien. Eh bah, y a pas de problème. Ciao, salut Louis. Louis, allez, à salut bientôt. Louis. Salut Louis. Ciao. Et Pauline qui voulait réagir dans un instant, pardon, dans un instant, à rapport aux arnaques. On en parle dans un instant aussi, donc, on parlait de sites porno aussi dans un instant, mais vous allez voir qu'il rigole ouais. pas. Là où je vais vous en parler, il rigole pas du tout. Hein. Ah. Ah non, je peux vous dire qu'il rigole pas. C'est aux States? Non, non, oulala, non. On en parle dans un instant, bougez pas, on se met la pub derrière. Pitbull avec Hey Baby. Bouge pas, bouge pas, on fait la pause sac à main. Fredo s'achète du Ralph Lauren pas cher sur eBay. Cher, cher. Et Mickaël revient juste après ça. Voilà le son de Pitbull jusqu'au bout avec Hey Baby. Il y aura également Soprano dans un instant. Et ça y est, les matchs ont repris. C'est la deuxième mi-temps donc pour la Ligue des Champions. Et Tottenham a pas perdu de temps hein, puisque le deuxième but a été marqué au début de la deuxième mi-temps. Tottenham 20, c'est 2-1 pour Tottenham. Il y a toujours 1-0 pour Schalke 04 face à Benfica, c'est dommage. 2-0 à l'instant pour le Werder de Brême face à l'Inter de Milan. Toujours le nul 0-0 pour Lyon face à la Poel Tel Aviv. À poil. 1-0 pour Rangers face à Bursaspor. 1-0 pour Valence face à Manchester United. Et puis 1-0 pour Copenhague face au Panathinaikos. Et 0-0 pour le Barça. Hein. C'est chaud là. C'est-à-dire qu'ils mettent 5-0 là pour face au Real et face au Rubin Kazan. Bon, ok, bah, c'est pas incroyable. L'équipe type qui joue, j'imagine, mais bon, quand même, quoi. 0-0, c'est dur, hein. Bonne nuit, Cécile. Non, je m'aille pas parce que je voulais faire Rubin et après j'ai trouvé ça lourd, donc du coup, j'ai préféré arrêter. Avant que tu me casses. C'était une très bonne idée d'ailleurs, Rubin Kazan. Bon, je vous parlais donc de site porno, là. Donc, il y a un mec, alors, c'est quand même exceptionnel. Le mec, en fait, il habite au Canada. À Montréal, c'est un Iranien en fait, et donc il est rentré au pays pour parce que son père était mourant, et donc en fait quand il est rentré, en fait il s'est fait choper par les flics parce que quand il était au Canada, il a créé des sites porno. Et donc il a été condamné à mort. Mais c'est improbable parce qu'en Iran c'est interdit évidemment. Ah oui oui, c'est plus qu'interdit ouais. Donc mais c'est pas bien, je te jure. Ouais, et donc il a été accusé d'agitation contre le régime et d'insulte à l'islam. Voilà. Bon voilà. Bah bienvenue. Il est mal barré hein. Le mec. Voilà, donc il a été condamné samedi à la peine de mort pour avoir créé des sites porno sur internet. C'est quand même exceptionnel. Donc le mec il a 35 piges et du coup voilà, donc ah, il pour est, une fois qu'il fracasse pas des meufs. Oui, enfin bon, c'est. Tiens, on entend tout le temps que c'est des meufs là-bas qui c'est sont condamnées à mort vrai. Et tout. Des lapidations. Ou la meuf qui a trompé son mari qui est pendue en place publique et tout. Là, pour une fois que c'est un mec qui fait des cochonneries et qui est puni, bon, c'est enfin, mais attendez, c'est attendez. C'est bien, là, c'est bien, je trouve. Là, j'ai lancé le dos, mais il faut quand même savoir que le mec, en fait, il avait conçu un programme qui mettait des vidéos en ligne, tout le bordel, que ça a été utilisé. A priori, à son insu, pour la création de sites porno. Alors, ça, c'est ce que ses proches ont dit. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais pas. Enfin, le mec, il est installé au Canada depuis 2004, si tu veux. Il y a un moment, ça va, quoi. Ah, puis même s'il l'a installé en Iran, on s'en branle. Non, mais un truc que je crois pas, c'est que le mec, il était sur place pour qu'il le capture. Ouais, en fait, il est rentré au pays pour voir son rep. Parce qu'il était malade. Et quand il est arrivé, ils l'ont pêché au direct. Cette phrase en pacaïra, ça donne en fait, il est rentré au pays pour voir son père mourant. Voilà, c'est ça. Et ils l'ont attrapé à la douane. Oh, simplement. Putain. En gros, donc du coup, maintenant, il est resté là-bas. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien, c'est que comme ça, il pourra mourir avec son père, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais bah, c'est cool. C'est con, mais... T'es horrible, là. Qu'est-ce qu'il est con, alors. Excuse-toi. Je m'excuse, hein, parce j'ai que trop peur, monsieur, il est quand même incarcéré, même s'il fait quand même de l'argent sur... Bon, non, mais, temps, non, mais, c'est ça, c'est ça, putain, ça, ce va, site-là, alors, ouais. Non, mais c'est con, voilà. Mais bon, surtout qu'il est mal barré là-bas, parce que je pense que pour lui, c'est foutu. Non, mais à quel moment tu rentres chez toi? Alors que le mec, il fait des trucs de cul, et si t'es dans un état totalitaire, bah tu vois, tu fais des conneries, mais... Mais non, parce que lui, il est rentré, parce qu'à la base, il avait créé le programme, c'était pas fait pour ça. Ouais, mais bon, si, c'est pas fait pour ça. Non, mais le mec, il a créé un programme attends, ou c'est comment le mec tu peux qui... créer un programme qui incite à créer des films de... Non, des non, des non il a créé un programme... Pas un, c'est pas un, ça incite pas. C'est les mecs, ils ont trouvé ça, ils se sont dit, putain, les gars, avec ça, on peut faire des films de cul. Mais c'est quoi son programme? C'est quoi son programme? Mais je sais pas, moi, il y a tout marqué, là, l'autre site, là, mais c'est parce qu'il veut absolument aller voir. Bah, c'est ça, il veut aller sur le site de cul. Mais donnez-moi l'adresse. Comment dans son pays on a pu se rendre compte qu'il faisait ça, le mec? Mais qu'est-ce que je sais, moi, je suis pas la police. Mais alors, pourquoi tu racontes ces histoires si t'as pas les abous et les abouts? Mais non, mais attends, mais l'histoire, c'est que le mec, il a été condamné à mort. Bah oui, c'est quand même ça, le délire. Il a tué personne, hein. Est-ce qu'il est jugé ou c'est fini pour lui? Ah, ça y est, c'est plié, là. Ah non, mais jugé là-bas, tu plaisantes. Il est mort? Non, pas encore, mais il est dans le couloir, quoi. Oh mon dieu! Il est dans le couloir. Donc, il y a les Canadiens, là, qui, vu que le mec, il habite là depuis 2004, ils le considèrent plus comme un Canadien qu'un Iranien, donc ils vont essayer de le sortir de là, mais alors c'est pas gagné avec les Iraniens. Oh bah là, surtout avec eux. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus là ils sont fâchés, donc si tu veux là. Et si on leur envoie Charles Aznavour? Je sais pas, ou alors, il est arménien, mec. Mais c'est pareil, ta gueule. Iranien. Ça finit par nien, ouais. Ou alors on leur envoie le daltonien. Ou alors on leur envoie le corse. Le corse, ah ouais, pour une négociation. Ouais, négocier. Ouais, mais là c'est armé, la négociation. Ouais, directement il arrive avec les grenades, ça c'est clair. Moi je suis sûr que le corse en fait c'est une petite bite à baston. Ah, mais ça, mais bien sûr. Il entend tout. Regardez. Ah non, mais attends, juste un exemple comme ça. Jeudi, on fait le bras de fer avec le corse. Ouais. Je vais essayer de gagner. Ouais. Le lendemain, il est pas venu, il était malade. Ouais, c'est ça. C'est parce que je lui ai défoncé le bras. Parce que tu l'as traumatisé, en fait. Exactement. Bah ouais, mais voilà. 1-0 pour le Barça. Ah, bah voilà, quand même. Bah, le premier des quatre. Il y a un bon il était temps, quoi. 2-0 pour Copenhague également, là, pour les matchs, là. Ça vient juste de bouger. Ça vient juste de bouger à l'instant, voilà. Anthony qui est toujours avec nous, donc. Anthony? Oui. J'ai trouvé un chat à donner, il est au Kazakhstan, ça te branche? Ah non, là on va oublier. Oh merde, c'est dommage parce que pour les frais de transport c'était 1500 euros. Moi j'ai un poussin au Kenya, ça te chauffe ou pas? Il est malade? Non, ça va, il est en pleine santé. Il a pas de pattes cassées? Non, tu pourras le chercher dans 2 ans au KFC, hein, pas de problème. Il a un bec bleu par contre, c'est tout. Peut-être qu'il faut 600 balles pour le soigner, mais je te dirai ça une fois que j'aurai fait le diagnostic. C'est ça. Donc ça t'intéresse pas? Non. Écoute, il met pas du tien. On essaie de trouver des solutions pour toi là, et tu fais vraiment ta tête de con là. Non mais c'est vrai. On tente, merde, de trouver des solutions là. T'as vu un peu comment tu réagis? C'est pas bien. C'est pas cool. Hein, c'est vraiment pas cool. Ta mère, elle a pas un compte PayPal? Oh non, pas du tout. Quel enfant. Parce que sinon, tu donnes ton mail, hein, et puis tes dates de naissance, hein, papa, maman, tout le monde. On va bien finir par trouver quelque chose. Hein. Ah, bah oui, 1000 euros. J'imagine, ouais. Bon, il y a Pauline également. Tu veux le numéro de la carte bancaire aussi et tout? De quoi? Ouais, tu veux le numéro de la carte bancaire? Ouais. Bah, en antenne, tu nous files ça, c'est cool. Hein. Ah, ouais, comme ça, il y a que nous qui en profitons, hein, c'est sûr. Hein. Bon, alors, Anthony. Ouais. Bon, il y a Pauline qui est là également. Salut, Pauline. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, bienvenue à toi, Pauline. T'as quel âge? Dans quelle ville? J'ai 21 ans, j'ai Clermont-Ferrand. D'accord, ok. Ah, Clermont-Foutre, ils ont perdu tout à l'heure, hein. Ouais. Je pense. Clermont-Foutre. Bah oui. Ah, ça y est, elle a percuté la vanne que j'ai faite il y a 1h50. En plus, je l'ai fait avec une voix de débile. Ouais, c'est ça. Bon, ça te va bien, hein. On a dit notre débile. C'est-à-dire que tu me trouves jolie, là? Non, c'est que débile. Je t'aime. Oui, bah moi pas. En plus, j'ai une petite cicatrice, là, t'es trop mignon, Pauline. Là, te faire des bisous. Quelle cicatrice? Je sais pas, t'as une truc là. Non, c'est un bouton en fait. Non, c'est froid, une allergie, non, ça fait 2 jours en fait. J'ai cette espèce de tache rouge avec des petits boutons dedans. C'est une allergie, mais je sais pas quoi. J'ai envie de te protéger. Je pense que t'es allergique à nous. Je crois que ça doit être ça, ouais. C'est ça. Je crois que ça doit être ça. Bon, alors Pauline, donc 22 ans, donc tu voulais réagir toi par rapport aux escroqueries. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, ça a commencé en septembre 2010. Donc, j'ai fait une formation, donc après mon bac, en fac. En fait, ils proposaient donc une formation scientifique pour qu'on ait le niveau bac, enfin même qu'on ait le bac S en un an, alors qu'on venait de bac L et de bac techno, enfin techno qui n'avait rien à voir avec les sciences. Ouais. Donc ils nous disent oui, c'est un diplôme reconnu partout, vous pourriez aller postuler pour un DUT scientifique, un BETS, enfin tout ce que vous voulez. Sauf qu'on arrive au mois de février, ils nous disent ah bah finalement c'est pas reconnu, c'est reconnu que pour la fac et si vous voulez pas faire fac, vous allez retourner dans votre section d'origine. Non, mais c'est les enfoirés. C'est des salauds, hein. Ah, ils sont sympas, hein. Non, mais le truc, c'est que, tu sais, il y en a plein qui te, ouais, parce que là, pour le coup, c'est une escroquerie. C'est clair qu'ils t'ont vendu un truc, toi, t'as bossé. En plus, c'est même pas comme si t'avais donné de l'oseille, là, ils t'ont vraiment fait perdre du temps, quoi, les gars. Ouais, c'est ça, surtout. C'est le temps qui est dur, là. Bah oui. Et donc, du coup, alors, comment ça s'est fini? T'as essayé de récupérer ton oseille? Il s'est passé quoi? Bah non, ce qui fait, c'est que j'ai abandonné complètement la fac. Ouais. J'ai voulu prendre un job, je me suis fait arnaquer pour le boulot aussi. Oh, ma pitchounette. Bah, décidément, t'as vraiment pas de bol, toi, hein. Non, et en fait, quand Sorian a parlé du film La fameuse arnaque, moi j'étais censée faire partie de l'équipe de production du film. Non, mais vous êtes une secte en fait. Ah non, mais moi j'ai trouvé ça sur internet. Ah, oui, il disait oui, ça sera bien payé, on prend des étudiants, faut juste une petite lettre de motivation. Donc j'ai fait ma petite lettre de motivation. Et en fait, oui, ben, on te prend, t'as l'air d'être super intéressant, tout ça. Alors, vous seriez allé sur MyFairJob, vous n'avez pas eu ce problème, hein? Exactement. Ouais, donc je suis montée à Paris. J'étais censée rencontrer le producteur, j'ai rencontré personne. Chaque fois, bizarrement, elle n'était pas là. Mm-hmm. Et son producteur n'était pas là non plus. Mm-hmm. Enfin, il n'y avait personne, quoi. Ouais, je suis montée au moins 5-6 fois à Paris, j'ai peut-être claqué 300 euros. Et, oh, t'as eu billet pas cher, hein? Putain. 5-6 fois 300 balles, ouais, ça va, c'est honnête. C'est honnête, hein. Ouais, bon, y aller pour rien, c'est cher, mais bon, sinon, c'est pas trop cher, en la base. Sauf que, enfin, voilà, le 1er mai, on nous a annoncé que c'était une arnaque et que, en fait, bah, ça servait à rien. Parfait. On a perdu notre temps, donc moi, j'aurais pu faire une autre formation à côté, bah non, j'ai tout perdu. Oh là, c'est abusé. Mais franchement, ça, c'est relou parce que, mais c'est pas grave, hein, tu rattraperas tout ça et tout, y a pas de souci, tu vois, genre, 30 ans, 35 ans, tu fais pas de différence après, tu t'en fous, un an, c'est un an. Bah ouais. Mais c'est, mais c'est relou là, à cet âge-là, de perdre un an, quoi, te dire, putain. Bah oui. Donc après, j'ai voulu partir au père pour travailler un peu l'été. Ouais. Sauf que donc, je suis allée sur un site qui était censé être sécurisé. Donc il y a plein de familles qui me contactent d'Italie, d'Angleterre. Mm-hmm. Donc ils sont d'accord, je les intéresse. Je parlais bien la langue, donc je les intéressais. Ouais. Même donc en Hollande, j'étais prête à partir pour la Hollande. Elle n'a jamais donné de nouvelles. Oh, en merde. En juillet, elle n'a jamais répondu pour me dire oui, on vient vous récupérer à telle heure, à tel endroit. Eh, franchement, à mon avis, toi, Pauline, je crois que même le Pôle emploi, il pourrait te rouler. C'est vrai. Ah, c'est non, clair, mais ça, tu sais, moi aussi, j'étais partie à Londres avec EF. Je sais pas si vous connaissez cet organisme pour parler anglais. Non. Et en fait, c'était jour férié à Londres. On devait venir me chercher. T'es pas partie donc. Oui, je suis partie. Non, mais je suis partie. Bon. Je suis arrivée là-bas. Mais arrivée là-bas, le mec il devait venir me chercher, il est pas venu. Du coup, je suis restée 3 heures seule à l'aéroport. J'ai chialé. Je pouvais pas reprendre d'avion parce que bon, c'était compliqué. Je pense qu'il y en avait plus, que j'étais arrivée super tard. Du coup, j'ai appelé ma mère et tout, qui a appelé l'organisme, bon, tout un truc, et je suis restée quand même trois heures à l'aéroport seule. On m'avait dit non, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir d'autres élèves avec vous et tout. Que dalle, j'étais seule. Et en fait, trois heures après, un petit Burger King. Hein, non, mais attends, 3 heures après, quitte à faire le déplacement. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, j'étais mince et je n'avais pas faim comme ça. Mais tu peux aimer le Burger King en étant mince. Hein, c'est vrai, moi aussi. Pour finir l'histoire, ah oui, donc j'arrive à l'aéroport et donc voilà, j'attends. Et après, c'est un mec qui vient me chercher, mais c'était mythique, c'était un black, un martiniquais, avec une voiture tuning, tu sais. Ouais. Il vient me chercher, il commence à me parler et tout. Il y avait un français que j'avais rencontré, un vieux là, à l'aéroport, il m'avait traduit. Et le mec, il me dit, ouais, le mec, il devait venir te chercher, le directeur d'école, il est pas là. Du coup, on a appelé ce mec. Et c'était en fait un chauffeur de taxi, mais je flippais trop. Et après, on est sortis ensemble 6 mois. Fait des films à la fin, quoi, tu vois. C'est-à-dire que hop, là, et c'est le père truc, de mon enfant qu'on a appelé Martinique. Non, le père de ton enfant, c'est celui qui t'a rentré dedans, là, avec, dans ta Smart. Ah, putain, mais je préfère, mais prendre le chien du Sénégal. Pour ceux qui viennent de débarquer, hein, que, Cécile, ce matin, a eu un accident, et donc le mec, qui lui est rentré dedans, enfin, c'est-à-dire qu'elle a eu un accident en tort, donc le mec, il lui est rentré dedans, donc, l'a chauffé. Ouais. Bah, ouais, donc l'accident était dû parce que le mec avait une canne blanche. En fait, je suis sûre qu'il me suivait et qu'il a dit je lui ai rentré dedans parce qu'elle est trop belle. Bien fouillé, pas dis donc. Non, je rigole, parce qu'il est géant. Donc elle a des vitres teintées, en fait, c'est. Oui, et surtout, c'est qu'il a voulu rentrer dedans sur Emily, ouais, parce qu'il a pris à droite. Oh là là. Ouais, bon, enfin, il a pas trouvé le choix, je te rappelle que t'étais en tort, hein. Ouais, mais c'est quoi ce bruit? C'est le téléphone. Bah, je sais pas, c'est toi, Pauline, le bruit? Hein? C'est toi le bruit? C'est chez toi le bruit? Non. Tout à l'heure, j'imagine que c'est chez Anthony. Alors, hein, c'est pas bien grave en même temps. Hein. Bon, en tout cas, merci à toi, Pauline. Et puis, j'ai envie de te dire que t'as pas de bol. Hein. Ah, mais j'ai rattrapé le coup parce que là, c'est pas fini. Vas-y, dis-nous alors. Non, je suis en BTS assistant de manager. Donc, c'est vrai que j'ai pu rattraper le coup. Ils m'ont quand même accepté malgré mon année de trou, entre guillemets. Ouais. Et en fait, j'ai fait une demande à la gendarmerie donc pour travailler et c'est positif pour le moment, ça devrait marcher. Ah bah c'est cool. C'est cool. J'espère que ce sera pas une escroquerie, hein. Ah bah non, mais c'est pour ça que la gendarmerie c'est vraiment une escroquerie. Oh bah tu sais, avec toi on sait jamais. Hein. Oh mais dis donc, tu sais pas où tu mets les pieds. Hein. Non, avec les moustachus. Non, c'est pas ça, mais tu sais, avec toi on sait jamais. Hein. C'est-à-dire que vu la chance que t'as là. Tu as tombé sur une fausse brigade. Ouais c'est ça ouais. Exactement. C'est les faux flics, il y en a plein en plus, hein, des faux flics. Méfiez-vous quand même pour le coup. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, écoute, bonne chance alors, Pauline. Hein. Bah merci. Bah, et puis tu reviens quand tu veux, Pauline. D'accord. Salut à toi, à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao. Salut Anthony également. Salut, à plus. Allez, ciao, bye bye. Bon, et Lionel, putain, il galère. Un nombre de fois où ils ont failli mettre des buts, là, à chaque fois, c'est raté. Non, mais lui, c'est espèce de con de battre Fémi Gomis, je sais pas quoi. Il a essayé de faire un espèce de lob. Le mec, il a cru que c'était Zidane, quoi. Bah ouais, mais écoute, il a essayé. Au moins, il essaye. Ouais, mais enfin bon, il sait qu'il va pas y arriver, hein. Ouais, tu sais pas. Enfin bref, de toute façon, quoi qu'il arrive, 0-0 contre la Poel Tel Aviv, mec, ça veut dire que la suite de la Champions League, ça va être dur, hein, pour les Lyonnais, hein. Bah, c'est ça, ça va être galère, là. Ça va être très très dur, hein. Et je suis dégoûté que tu m'aies dit 1-0 pour le Barça, parce qu'en fait, là, à côté, t'arrives dans le, il y a le match. Côté, donc, hein, c'est ça que t'essaies de me dire? Hein? Dans le studio d'à côté, donc c'est ouais, ça que c'est ça, dire. J'ai galéré ma phrase là. Ouais, bah c'était quand t'as pas compris. Hein. Ah d'accord, ok. Ah, j'ai pas du tout compris ça moi non plus. Alors, eh ben dans le studio d'à côté, ils retransmettent Barça Rubin Kazay, mais avec apparemment du retard parce que là il y a quelqu'un d'autre. Mais qui l'est lui? C'est qui? Je vous en supplie, il y en a un. Il a une tronche d'alien. Et du coup, je sais qu'il y a 1-0 là maintenant. Ah bah ouais. Oui, il y a eu 1-0 après la seconde mi-temps. Hein. Ouais. De quoi tu parles de qui? Qui un Lyonnais? Un bleu. Ah bah, c'est un Lyonnais. Alors attends, bah il faut que je le trouve. Il a un peu une gueule comme ça. Non, il a un petit, tout petit nez. Déjà que j'ai pas les mecs avec des petits nez. Ah mais c'est le mec que tu disais l'autre jour, il a une tête de con. Non, c'est pas lui. Ah bah ça doit être le même alors. Hein, je non, sais non, pas. c'est pas lui. Bon bah quand on a le nom, on vous dira. C'est Chris Waddle. Pas, hein. Quand on a le nom. Lui, c'est là. Ah, Pianic. Qu'il est laid. Regarde, tu sais ce qu'il a? Il a une tête de nain géant. Regarde le petit nez qu'il a. C'est Pianic, ouais. Une tête de nain géant. Ah, comme il est laid. Ça veut rien dire, une tête de nain géant. Mais, bon. Mais non, mais oui, tu sais, il y a des gens, ils ont des têtes ça, de nain. Tu vois, une tête de nain géant, ça veut rien dire. Et mais non, mais oui, ça veut rien dire non plus. Oui, mais c'est mais non. Je vais t'expliquer un truc. Attends, je reviens. Tu m'expliqueras du tout. Tu vas d'abord grandir un peu, après tu m'expliqueras. Oulala, là, ça pique, là, ça direct, mais ça c'est. Elle était pas mal celle-là. Hein. Je suis assez fier de. Mais je comprends pas. Fier. Grandir comment? Grandir, mûrir. Comme une petite pomme. Ah mais là c'est un message personnel donc. Exactement. Voilà. Sur ce, nous pouvons suivre notre sujet. Tu vois? Mais dites-nous, vous avez fait une petite dispute en rentrée ou comment tu vois, ça se passe? Et le calme est revenu là. Mmh. Ça fait du bien. On est bien non comme ça? Hein? Non, moi je préfère quand Cécile elle fait mais oui, mais non, mais oui, mais non. Et qu'elle sait pas où elle va d'ailleurs, hein. Voilà. But! Aïe, ça y est, but des Lyonnais là maintenant, 1-0. Eh putain, il était temps, hein, but à la 61ème minute là. C'est-à-dire que le gardien de Tel Aviv il doit juste chier sa mère, hein. C'est-à-dire qu'il a rattrapé des purs buts, enfin des purs tirs. Et là, il a une sous-merde là, frappe de guerre. Bon ben voilà, 1-0 pour les Lyonnais là. Pour les autres matchs, rien à bouger. Si Manchester qui a égalisé un partout face à Valence et Tottenham qui a mis un troisième but. Ah, et Twente qui vient de mettre un troisième, donc c'est toujours un nul en l'occurrence. 3-3, voilà, on se met un peu de son maintenant, on reviendra juste après évidemment avec vous toutes et vous tous en direct. 01 55 64 13 25, Sopra maintenant, c'est Hiro sur Goom. Le son de Sopra à l'instant, Soprano, c'était Hiro sur Goom Radio, et la joie lyonnaise n'aura pas duré très longtemps puisque à peine le but marqué par les Lyonnais. Tel Aviv a égalisé, donc un partout pour l'instant, 2-0 pour le Werder de Bremen face à l'Inter, 3-3 pour Twente Tottenham, 1-0 pour Schalke 04 face à Benfica et c'est malheureux. Les Rangers qui gagnent également 1-0 face à Bursaspor, un partout pour Manchester face à Valence, et puis bah là ça n'a pas bougé, le Barça qui mène toujours 1-0 et Copenhague qui mène toujours 2-0. Voilà, donc tout est à faire encore, hein, pour les Lyonnais là, hein, c'est dommage, hein. Ouais, c'est quand même 5 minutes encore, hein, c'est pas ça, hein, tout n'est pas. En plus c'est à Lyon. Tu n'es pas perdu. En plus, c'est à Lyon, ouais. Donc pour le coup, là, c'est-à-dire que bon, on verra bien. Ouais, faut voir. Mais 3-1, ça serait cool. Un petit 3-1 pour les Lyonnais. C'est pas gagné. Hein. C'est comme ton 4-0 pour les Barcelonais, là. C'est pas gagné. On n'est pas à l'abri qu'ils mettent un deuxième but, là, Tel Aviv. Hein. J'avoue. On n'est pas à l'abri que ça arrive. On n'est pas à l'abri. Bon, on verra bien. On en parlera tout à l'heure de toute façon. Bon, et au niveau des séries glauques là, avant qu'on fasse l'appel coquin de Pierre là, c'est un truc. Faut quand même avoir un problème dans sa tête. Hein. C'est-à-dire que vous avez tous à un moment ou un autre rêvé peut-être, je ne sais pas, ou en tout cas c'est ce que vous aimeriez bien faire plus tard, c'est avoir une famille. Oui. Avoir une femme, avoir un mec, avoir des enfants. Non, peut-être pas poser de vie jusque là, mais bon, avoir une famille. Eh bien, c'est arrivé à un Américain, qui a sa femme, hein, jusque là tout va bien. Il apprend qu'il va être papa, c'est génial, c'est la fête, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Et au moment où le bébé arrive, donc tu sais, genre la bonne femme, elle devait être enceinte de, je sais pas moi, 7-8 mois, un truc comme ça, hein. Il est noir. Presque à la fin. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste que il y a un moment où arrive le problème où on n'a qu'un seul enfant et comme il y a deux personnes dans le couple, il y en a des deux qui choisissent le prénom. Ah, exactement. Voilà. Ou les deux en fait. Hein. S'il y en a qui veulent appeler René ou qui veulent appeler Gérard, si tu veux, il y a un moment, ça va pas rentrer dans la case. Je l'appellerai Gérard. Mais oui, comme moi qui vais appeler ma fille Salomé. C'est ça. Donc du coup, forcément, ça a créé un conflit. Et ils sont séparés. Il a tué sa femme. Et il a tué sa femme et son gosse. Mais non, ah ben voilà les deux d'un coup. Enfin, toi, enfin, tu bon, t'es fait aborder. Mais il l'a tué, c'est-à-dire comme elle n'est pas encore accouchée par la force des choses. Ah, elle était enceinte. Les deux sont morts, quoi. Mais c'est à cause de ça. Bien sûr, c'est parce qu'ils sont disputés en fait pour le prénom et donc du coup bah il s'est énervé, il l'a tué. Et après il s'est suicidé hein, comme ça au moins hop là comme ça les. Ah bah voilà, c'est bien. En plus pas l'âge du tout, c'est ça qui est cool. Ouais, et puis en plus le truc bien glauque c'est que si tu veux. Il a dit quel prénom il voulait donner sur un papier, il a marqué. Ouais, histoire qu'on connaisse la fin du bordel. Non, parce que ça dépend, si vous voulez finir un nom vraiment atroce, il a bien fait de la. C'est ça. Non, Gontran ça le faisait pas. Là pour le coup c'est quand même relativement glauque. But de l'année. Le but de l'année. Et but de Tel Aviv surtout. Putain, la cote était à 11 là. Eh non. Pour Tel Aviv. Oh non. Tiens, tu mets 10 euros, t'en prends les 111. En même temps, j'aurais pas regardé sur le lit. Regarde ce but, c'est le but de l'année. Putain. Attends, on n'a pas vu. Si vous êtes si vous n'avez pas Canal+, on va vous commenter du coup. On va mettre le son, ça va pas vous aider. Vous allez voir. Oh, les Lyonnais tirent la gueule là. Et à juste titre hein, d'ailleurs. Oh bah là, il fait la gueule. Bon, en même temps, il reste 20 minutes, hein, c'est pas ça, mais. Attends, regarde ce but. Non, mais là, c'est fou. Ça, c'est du putain de football, les gars. Le mec il était tout en but, et hop là c'est le but. Ah putain, c'est le but. Bah 2-1 face aux Lyonnais. Bon, cela dit, ça change absolument rien pour les Lyonnais, ils sont qualifiés quoi qu'il arrive, mais c'est juste que si ils galèrent là maintenant, si tu veux, ça commence à devenir compliqué quoi. Bah c'est pas bon pour la suite quoi. C'est pour le moral des joueurs. Bon, c'est pas bon du tout. Ils sont deuxième du groupe, c'est gros. Mais là c'est mort. Ils sont deuxième quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même s'ils gagnent maintenant, ils resteront deuxième, puisque Schalke gagne face à Benfica. Ah oui, donc ils seront deuxième quoi qu'il arrive, sauf si Benfica remonte et que Lyon remonte, etc. Donc après, ça on verra bien. Bon, on verra bien quoi qu'il en soit. Et donc pour revenir sur mon histoire glauque là, hein, il faut quand même savoir que le mec donc qui a tué sa femme avait eu un autre enfant d'un présent mariage, une fillette de 12 ans qui était présente sur les lieux. Donc du coup, elle s'est retrouvée toute seule avec sa mère et le beau-père mort. Oh là là. Ah, bonne ambiance. Hein. Elle a fait quoi? De quoi? Elle a choisi le prénom finalement. Non, elle était chez le voisin et apparemment, d'après les témoins, elle pleurait. Oui, bah non, oui. Il les a tués comment? Je sais pas, c'est pas précisé ça. C'est juste, on sait qu'il l'a tué, c'est tout. Putain. C'est fou, hein, t'imagines un peu là. Mais comment tu peux en arriver au moment où t'es là, tout va bien avec ta femme, t'attends ton gosse, donc ça veut dire que quand même il y a de l'amour, etc. Et en fait, je crois que parfois le cerveau il se déconnecte direct. Mais vraiment, c'est-à-dire que t'en as qui font des actes de fou. Mais c'est comme ceux qui genre s'énervent au volant. T'as des mecs, moi ça m'est déjà arrivé, un mec qui est descendu de sa caisse direct, point dans le pare-brise et tout machin, tu sors, tu fais qu'est-ce qui t'arrive, et d'un coup il se calme, il fait pardon, j'ai eu un coup de putain. Ça va pas bien en ce moment, mais vas-y, calme-toi, tu sais, il aurait eu un flingue, c'était une balle dans la tempe. Mais c'est ça, ouais, mais heureusement que c'est interdit d'ailleurs, hein, parce que sinon, effectivement, ça pourrait être très grave. Bah, c'est ça, les mecs, ils ont des coups de stress d'un coup, là, parfois. Ah, mais ils s'énervent. Oh, c'est qui, Pierre Marley, à côté de moi? Il lui a pété. Ah, ça y est, ouais, Pierre, il a mis le. Mais j'ai eu la photo sur Facebook, il est trop beau. Ouais, Pierre, il a mis effectivement un très très beau bonnet, le bonnet de Cécile sur la tête, donc en l'occurrence. Bon, ce que je propose, c'est qu'on se fasse maintenant cet appel coquin spécial hôtel. C'est bien ça? C'est ça. Très bien, parfait. On écoute ça maintenant, et puis on revient évidemment juste après avec notamment Tim Berg, ce sera Sick Bromance. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, ce serait pour réserver une chambre ce soir, s'il vous plaît. Oui. Pour combien de personnes? Vous êtes un homme ou une femme? Un homme. Ah, vous êtes un homme, d'accord. Bon, bah, je ferai un effort. En fait, si je veux une chambre d'hôtel, c'est juste pour vous tirer, en plus. Comment? Ce serait pour vous tirer, en fait. Me tirer? Bah, vous tirer sexuellement? Ce serait possible ou pas? Non. Bah, pourquoi? Bah, parce que. Bah, faites un effort, monsieur, enfin. Bah attendez, j'arrive. Vous n'avez jamais sucé? Pourquoi? Allô? Oui, allô? Non, on n'a pas de chambre. Mais alors pourquoi? Comment je vais faire pour vous tirer alors? Espèce de con, si tu veux me tirer, viens me tirer moi, connard. Eh, je peux vous tirer, monsieur? Viens me tirer, viens. Est-ce que t'as un petit cul bien serré? Ouais, viens. Hein? Saloperie, va. Accroche. Bonjour. Oui, est-ce que je pourrais tirer la merde du monsieur que je viens d'avoir au téléphone? Viens ici, toi, branleur. Viens me voir, viens, tu sais où je suis, viens. Est-ce que je pourrais tirer votre femme, monsieur? Gueule, fils de pute, bon, viens me voir. Et calme-toi, sinon je tire ta femme. Moi, je viens de m'y retirer, moi. Je prends une chambre et tu me suces. Vous faites ta gueule, moi, tu vas voir. Et calme-toi, d'accord? Si je te vois, je te nique ta gueule. Si tu ouvres ta gueule, c'est pour me sucer, d'accord? Viens, je vais te niquer ta gueule. Non, je veux dire, et ta mère la pute. Espèce de connard. Et ta mère la pute, elle suce? Ta gueule, viens. viens maintenant, je t'attends, viens. Allez, viens, viens. Ta mère la pute, elle suce. Parle encore 30 secondes, c'est bon. Mon pote, il va te choper ton numéro. Attends, je vais te dire un truc. Viens, fils de pute. Est-ce qu'elle pourra me sucer, ta mère la pute? Viens. Hein, sale con, là. Hein, sale con. Viens. Ah, sale con. Viens, t'as honte, Pierre. Ta mère la pute. Viens, tu sais où je suis. Viens, moi je sais pas où t'es parce que. Moi, attends, mais calme-toi, espèce de grosse baltringue. Fonce ta gueule. Viens. Quoi, mais qu'est-ce que t'as dit là? Viens. Hein? Écoute ça. Donne, je te dis. Moi, je suis quelqu'un de violent. Je t'éclate, d'accord, et je te sodomise. Viens. Alors, tu vas me lécher les couilles et tu vas fermer ta grande gueule. Mais toi aussi, tu vas fermer ta grande gueule. Hein, lèche-moi les burnes, fils de pute. Ben toi, t'es un quoi? T'es un gros bâtard. Je suis quoi, moi, espèce d'enculé de ta mère? Numéro, vas-y, continue encore. Espèce de gros fils de putain, ta mère a sucé ton rep. Viens. T'as une voix de bourrasse alcoolique. Mais toi, connard. Arrête la bière et suce ma bite. T'es qu'une sale grosse putain de ta mère. Viens voir, je te dis, viens, bah viens. Je vais dire un truc, ton père l'enculé, ta mère la pute. Alors là, toi, si je te trouve, mon gars, je te jure, je te bute ta gueule. Ok, d'accord. Et monsieur, est-ce que je peux réserver une chambre d'hôtel chez vous quand même? Va te faire foutre, va réserver ailleurs. Oh, mais celui-là, mais il est d'une violence. Il est violent quand même. Je l'avais déjà entendu, c'est vrai ça, mais putain. Violence. J'avais oublié la fin, quoi. Non, mais la violence. Ah bah je savais pas que je disais autant. Mais Pierre, il se cachait sous la table pendant son truc quand même. Ouais, c'est ça, il avait honte, mais il avait de quoi, cela dit, pour le coup. Voilà, donc c'était l'appel coquin. On remettra un couvert évidemment demain si vous avez des idées d'appel coquin à faire. Vous balancez vos messages donc sur le groupe Facebook par exemple, facebook.com/michaelofficiel, ou alors tout simplement sur le standard, au standard en l'occurrence, 01 55 64 13 25. Allez, Elisabeth dans un instant, et le son de Timber maintenant, c'est Sick Bromance. Le son de Timberg à l'instant avec Sick Bromance sur Goom Radio. Au niveau des matchs, rien à bouger toujours. Ah, putain, c'est dur pour les Lyonnais là qui perdent là 2-1 face à Tel Aviv. Très très dur pour les Lyonnais, mais bon, il reste 20 minutes là. Non, on reste 15 minutes. Ouais. 15 minutes grand max, hein, 15 minutes à peu près. C'est donc, dur là. Pour jouer. Ah, ouais, là c'est dur. Et puis 1-0 pour Barcelone aussi. Là, on est loin d'être 4-0. Mika toujours. Ouais, faut chier. C'est-à-dire qu'au niveau des pronostics, là, on peut pas dire que tu sois très très bon. Je suis pourri. Ouais, on peut vraiment pas dire que tu sois très très bon. Par contre, je me sens en forme. Donc j'aurais dû peut-être aller jouer avec Lyon. Pour aimer des buts. Ouais, c'est peut-être une idée. Je crois que j'ai un talent footballistique assez impressionnant. Eh bah écoute, pourquoi pas, à défaut de la radio. Ouais, tu pourrais aller faire un match de foot. Non mais c'est vrai. Ouais, non mais c'est vrai. En moins de 16 ans quoi. Ouais, non mais le problème c'est qu'à 26 ans, si tu veux, ta carrière est presque finie en foot. Oh bah là oui, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Et en radio non. Non, regarde Philippe Boulevard comme disait le Corse, hein. Philippe Boulevard, lui toujours là. Hein. Ouais, c'est clair. Philippe Boulevard. Elle était bonne cette phase du Corse. Non, qui est con, ce Corse. Philippe Boulevard. quel gros con. Mais je sais pas s'il nous écoute, ce gros con là, dans sa cabine. Écoute, je sais pas. En plus. Philippe Boulevard. S'il nous écoute, il va venir, il va dire. Ah, il nous regarde. Ah si, voilà. Il a fait ça la main. Qu'est-ce qu'il mais il est pas censé nous écouter, c'est ça que je comprends pas. Non mais si, parce qu'en fait, il prépare le best-of de Noël, mais à mon avis, je crois qu'il a une oreillette avec l'émission en direct et une oreillette avec le best-of qu'il écoute en fait. Donc autant dire que ça va être n'importe quoi. Il se pointe derrière, qui est con. Regarde, ils sont bien. Regarde, 5, 4, 3, 2. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais sûr. Il y a un problème ou quoi? Mais non, c'est ton béret qui est un problème. Hein? C'est le béret. Mais bon, le béret, je le mets si j'ai envie de le mettre. Ah, on parlait dit que tu pouvais pas le mettre. J'ai dit que c'était ça le problème. Je me suis jamais tenu aussi près du Corse. C'est clair. J'ai vachement peur. Il y a un moment de la cuisse. Moment de tension là. On parlait de ton pote là. Il est gentil, mon Mika. Il est gentil, les Mika. Comme ça fait du bien. Je crois que t'avais mal à la main. Tu m'as dit que je pouvais pas me masser tout à l'heure. C'est là. Qu'est-ce que t'as fait? Putain, ça fait mal. C'est la branlette. Les pouces dans les omoplates. Ça fait mal ça. Oh là là. Vous irez bien ensemble. Calme-toi. Ah oui, vous avez tous les deux un chapeau gris. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était un record sympathique. Bon, dites-moi, les best-of, ça va, hein, ça commence à me gonfler. Hein. Ah bah ouais, mais bon, écoute, si tu veux, il y a un moment. Pourtant, c'est le meilleur que t'écoutes. Le meilleur. Bon, pas encore. Le meilleur, il faut écouter toute la merde que j'avais avant. Bah, c'est ça le problème. Hein. Et déjà, zap le Corsica Show, tu veux gagner déjà 10 minutes. Ah, je les ai pas mis. Je suis sûr qu'il a mis que ça dedans. T'imagines, il fait bon, bah j'ai timé, voilà. Et on écoute, il y a que ça. Voilà, que les Corsica Show. Bon. C'est trop drôle. Oh, Mathéo, comment ça va en Corse? Ça va en Corse, oui, il fait bon en Corse. Je me suis permis de changer la proche, j'ai mis Mouvrine. Je trouvais ça plus sympa. Alors, il vient de me casser le cou là, ce coup. con. Attends, j'ai trop mal. Bah si mec, je crois que je suis bloqué là. Non, il va te faire un massage, à voir, ça ira beaucoup mieux. Oh putain. Ah, tu sais comme ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait à la main, le Corse? Je sais pas, j'ai les deux doigts là. Oh mais tu pars en couille toi en ce moment, le mec il a les doigts qui sont fracassés, le ventre fracassé. Il vient en kit, t'as un œil qui tombe là. En fait c'est Monsieur Patate le Corse. Mais je vous disais, c'est la branlette, c'est la branlette. Bon le Corse, allez, le best-of t'appelle avant le Corsica Show là dans 20 minutes. Ouais. Ça va bien se passer. Bon, Elisabeth qui est avec nous maintenant, allô Elisabeth. Allez, bonne nuit, Cécile. Mais non, mais oh, je baille pas depuis tout à l'heure. Arrête de te foutre de ma gueule deux fois déjà, je t'ai grillé. Ah non, alors la première fois sur pas tout à l'heure, d'accord. Tout à l'heure, entre temps, il y en a une où j'ai pas fait de remarque. C'était pas moi. Et là, bon, je t'ai vu avec ta bouche ouverte. Elle ment avec un aplomb, c'est ouf. C'était pas moi, mais de toute façon, il m'aime plus, Miguel. C'est ça, ça n'a jamais été le cas. Bah ouais, mais moi je t'aime. Ah bah moi pas. Bon, Elisabeth, ah, d'ailleurs, je rappelle donc que Cécile va à Bruxelles ce week-end. Oui. Et qu'il pleuvra toujours. Hein. Mais je m'en fous parce que je serai ou dans les boulangeries ou dans les restos, donc je m'en fous. C'est vrai. Sauf dimanche, ils annoncent du soleil. Ah, c'est vrai. 6 degrés. 6. Ouh. Enfin, j'aime bien comment elle fait. Ouh. Oh, 6 degrés, Paris, ça fait froid. Bah, à Paris, ils annoncent 6 degrés, mais gris. Donc, non, mais au final, t'auras de la chance. Non, pas de neige. D'accord. Avec 6 degrés, il pourrait neiger, ça changera rien à ta vie. Hein. Je vais pas raconter ma vie parce que tout le monde s'entame, mais je pense que j'irai manger au restaurant La Marée. Hein. Eh ben, si tu veux. Donc, écoute, si vous êtes sur Bruxelles, je vous attends samedi soir vers les coups de 20h30. C'est impossible qu'on soit sur Bruxelles. Bruxelles. Ah, voilà. Parce que Bruxelles, c'est juste à côté. Non, c'est juste que ça n'existe pas. Bon, Elisabeth. Hein? T'as déjà été à Bruxelles, toi? Moi? Ouais. Bientôt. Comment ça, bientôt? Tu vas aller quand? Non, mais là, pour Noël, je pars à Genève. Oh, c'est cool. C'est bien, ça, Genève. T'as ta famille à Genève? Non, j'ai une copine. Elle est banquière? J'ai un compte là-bas, c'est tout. En fait, ce cas, c'est qu'elle n'est pas banquière, mais bon, moi je vais là-bas pour passer Noël avec elle. Mmh. Et avec des copains, des amis, on prend le TER, c'est-à-dire le train. Ouais, et ouais. C'est un train de bordel. Et dans la vraie vie aussi, tu vas à Lyon ou tu vas à Lyon? Tu vas à Genève ou pas? Qui? Toi? Moi je vais à Genève. À Noël. Ouais, mais dans la on va prendre le train. Ouais. Hein, mais le train, c'est un train, c'est-à-dire c'est le TER, c'est pas le TGV. Le TER. Et donc le TER. Le TER. dans tous les villages de campagne. Ouais. Alors, je vais avoir au moins 2h30 de train. Ouais. Et plus, là-bas à Genève, ils veulent pas les euros. Ah bah oui, c'est normal, c'est les francs. Mmh. Bon, mais t'inquiète pas que si tu donnes un billet en euros, ils vont le prendre quand même, hein. Je leur fais ça aux Suisses, regarde. Tu bailles? Non, j'essaie de roter, mais j'arrive pas. T'es qu'une cochonne. Te sens pas obligée, Elisabeth. Non, il l'a fait pour toi, Mika, Elisabeth. Ouais. Elisabeth, arrête ça tout de suite, je déteste entendre ça. Dégueulasse. Nounette. Ouais, j'ai dit stop directement là. Je m'excuse. Ouais, j'espère. Alors, par contre, ouais, j'ai fait un rêve. Dans la nuit. Ça commence comme Martin Luther King, fait gaffe. Bon, en général, effectivement, on rêve dans la nuit. Enfin, sauf si on a une nuit un peu dégalée, mais. Enfin, moi, la nuit, c'est de 8h30 à 11h. Mais de quoi tu parles là? Je comprends pas. 8h30 du mat? Non, parce que ce qu'il y a, c'est que moi, le matin, je me réveille parfois à 7h du matin. Après, je regarde un peu nickel à 7h, de 7h jusqu'à 7h30. Ouais. Pourquoi tu regardes qu'une demi-heure le matin? Hein? Pourquoi tu regardes qu'une demi-heure? Parce qu'après, je m'endors. Ah oui, bon, bah d'accord, ok, c'est une bonne raison. Mais sinon, après, je te revois après. Oui, oui, non, bah bien sûr, bah, j'imagine bien, avoir sur ce travail. Ah oui, sur le replay. Sur le net après. D'accord. Je peux te revoir, tu vois. Oui. Et moi, je trouve comme quoi c'est bien ce que tu fais. Ah bah écoute, je te remercie, Elisabeth. Ah ouais, bah, ça, c'est cool. T'es trop chou et tout à la télé. Il faut que tu fasses coucou, Babette. Non. Coucou, Elisabeth, à non. la télé. Non. Alors, par contre, ma religion m'interdit. Mon rêve que j'ai raconté à tout le monde. C'est que là, c'était ce matin, quand je me suis rendue, entre 8h30 et 11h, le rêve que j'ai fait, c'est que j'avais hyper chaud. D'accord. Je souffrais de chaleur et tout, et c'est pas, je hurlais et tout, je transpirais à mort et tout, et ah, j'ai dit, j'ai chaud. Et je disais, monsieur, j'ai trop chaud. Oui, monsieur, il me touchait la figure et tout. Puis il disait, Elisabeth, Nounette, Babette. Et ouais, là, mais t'es toute trempée et tout. Mais alors, il disait, attends. Elisabeth, monsieur, ouais. Tu l'imagines avec quelle tête? Monsieur, ouais. Ben, il est tout blanc. Ouais. Avec un potinet noir. D'accord. C'est rouge un panda, en général, donc. Rouge. C'est un ourson de lune. Monsieur, c'est pas, je crois que. Ou peut-être avec des cheveux noirs un peu. Ouais. Ouais. Il ressemble à Fredo un peu. Et quoi, il ressemble à Fredo Il a alors, je t'explique, il a rien à voir. Il est petit. Gros, blond, mais pour les cheveux qui lui restent. Et un nez rouge de mec bourré. Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, on dirait Depardieu, mais en petit. Ouais, mais quand j'explique la fin de mon rêve, donc, monsieur, il me disait, bouge pas, Elisabeth Mounette et tout. Après, donc, il a trouvé des frites congelées. Ouais. Donc, les frites congelées de Michael, il les mettait dans ma chatte. Oh non, voilà. La tête de Mika. Et après, je vous sentais mieux et puis je disais encore des frites. Encore, c'était sûr encore, que ça allait partir encore, comme ça. Encore des frites, des frites, des frites. Et après, là, je me réveille et il n'y a plus rien. Et je crois. Du coup, t'étais. Et t'étais un peu en train de te toucher quand même, non? Mais non. Mais t'as eu chaud peut-être parce que t'as eu un orgasme, Elisabeth. Ben, ce qu'il y a, c'est que mon chauffage, il est bizarre. Ah. Parce que moi, je monte et après, je baisse. Et quand je baisse, le chauffage, il monte encore plus. Ouais. Alors, bon, par contre, allez à tout le monde. Cécile, Émilie. Oui. Mika. Présent. Oui. Demain, je vais à la chasse aux cadeaux. Hein. D'accord. C'est-à-dire à la chasse aux cadeaux de Noël. C'est demain? Ouais, je vais vous acheter des cadeaux. Ah, c'est gentil. Ah, deuxième but pour les Lyonnais, là, oui. L'égalisation. Et un but pour Benfica également. Comment? Ça m'énerve le foot. Bah oui, mais bon, on suit, c'est comme les Lyonnais qui jouent, et demain moi, c'est Marseille. Maintenant, je regarde plus TF1, moi. Eh bah, ça tombe bien sur Canal+. Bah non, moi je regarde Gulli. Gulli? Oui, bah t'es sûr qu'on va dans Gulli. Quoique, si, Olivier Tom peut-être sur Gulli, on sait jamais. Et je regarde Gulli et Direct Star, c'est tout. D'accord, bah écoute, c'est très bien. C'est tout. TF1, c'est fini. En même temps, c'est pratique, hein. Direct Star, c'est 17, Gulli, c'est 18, comme ça au moins tu vas pas trop loin. Parfait. Et vous avez pas vu comme quoi Coé lui manque des dents? Je ne sais pas. Écoute, en tout cas, ça s'est pas vu dans les Gérard. Moi, j'ai vu comme quoi Coé, c'est pas quand il rigole, mais Coé, il est moche et tout, ça monte. Bon, enfin, écoute, un petit peu de respect quand même, Elisabeth. Il y a Gatar. Non mais Elisabeth, t'as craqué, ouais. Elisabeth, sois un peu respectueuse quand même. Non mais je suis respectueuse quand même. Ah bah non, bah oui, bah dis donc, moi, effectivement. Et j'ai pas dire comme quoi des autres animateurs qui sont sur ailleurs comme quoi ils sont bien. Moi je vais pas. Mais non mais c'est mais alors bah oui mais bon non. c'est pas bien quand même de critiquer surtout gratuitement comme ça là. Non mais je critique pas de toute façon, moi je suis gentille. Si. Hein. Bon parce Elisabeth. Alors ouais, j'ai Elisabeth. J'ai fait deux chansons. Elisabeth, oui. Comme je sais que t'es quelqu'un de très occupé, on va pas te déranger plus longtemps. Mais j'ai fait une chanson. T'es trop occupé, Elisabeth. Mais t'es super occupé là. Allez, une chanson. Je peux la chanter quand même. Mais non, c'est une femme d'affaires. Laissez-la tranquille. Il faut qu'elle. Une rapide. Une souris verte dans une poubelle. Elle n'était pas belle. Elle sentait la merde. J'ai appelé René qui est arrivé. Il a pris par la queue. Il a bien enculé cette salope de souris. Il a bien enculé. Il est devenu tout vert. René le roi des enculés. Un petit cafard dans un grand placard. Il avait très froid. Il était tout noir. J'ai appelé Gaspard. Il a pris par les pattes. Gaspard l'a bouffé. Ce sacré Gaspard, le roi des canards, il est devenu un gros lard. C'est bien. C'est bien ça. Ah oui, ouais. C'est pas mal. Elle est pas mal. On peut revoir les 5 premières secondes, elles étaient trop bien. Lesquelles? C'est-à-dire de Gaspard? Non, c'est-à-dire de René. De René, ouais. Une souris verte dans une poubelle. Elle n'était pas belle, elle sentait la merde. J'ai appelé René qui est arrivé. Il a pris par la queue, il a bien enculé. C'est bon, Elisabeth, c'est bon. Voilà, c'est parfait. J'adore cette salope de souris. Elisabeth. Ouais. Ah, Elisabeth. Oui. Bon, t'es très occupé, on te reprendra, on va pas déranger plus longtemps, hein. Par contre, j'ai fait une chanson pour le Corsica Show aussi. Ah bah, ce sera le Corsica Show alors. Ah ouais, mais là, il va être content parce que là, j'ai bien travaillé quand même. Ah bah, c'est parfait, écoute, nous, on est contents aussi alors, du coup, hein. Bon, ah, Elisabeth. Oui. Allez, à tout à l'heure dans le Corsica Show, hein. À tout à l'heure, gros. Allez, oui, au revoir, Elisabeth. Au revoir, Elisabeth. Voilà, au revoir, Elisabeth. Allez, voilà, notre BA est faite, hein. Oh là là. En fait, c'est pour économiser des taxes, hein, qu'on prend, ouais, Elisabeth. C'est bien, hein. C'est clair. Parce que du coup, on paye moins de taxes, alors comme ça, on est content. Bah voilà, c'est ça. Et surtout, Fredo, tu me diras, ah ouh, troisième but pour les Lyonnais, là, non. Et non. Bon, allez, on se met le son, maintenant de Grey's and Chains, qu'on recevra jeudi d'ailleurs dans l'émission, avec Waiting Outside the Lines, et pas de troisième but non plus, d'ailleurs, pour Tel Aviv. Voilà, donc on revient dans un instant. D'ici là, les matchs seront terminés. On fera donc le récap des résultats sportifs de Ligue des Champions ce soir. Allez, c'est parti maintenant. Grayson Chains sur Goom Radio. Voilà, Grayson Chains qui sera avec nous jeudi dans l'émission. Comme ça, vous êtes au jus. Et tout à l'heure, je dis clairement foot avait perdu. En fait, non, pas du tout. Ils ont gagné 2-0. Sinon, pour la Ligue des Champions, FC Twente face à Tottenham, c'est 3-3. Le Werder de Brême qui a écrasé l'Inter Milan 3-0 également. Les Lyonnais qui ont terminé sur un nul face à Tel Aviv, 2-2. Benfica qui s'incline également 2-1 face à Schalke 0-4. Manchester United 1-1 face à Valence. Bursaspor 1-1 face aux Glasgow Rangers. Le Barça qui termine 2-0 également au Rubin Kazan. Et puis le Panathinaikos qui s'incline également 3-1 face à Copenhague. Voilà, je pense que tout est dit là. Il y aura d'autres matchs évidemment demain pour faire plaisir à Cécile notamment, à Émilie également. Mais demain il y a l'OM, c'est pas pareil. Ah, demain il y a la planète au Mars qui va jouer. Attention, qui va jouer d'ailleurs chez elle face à Chelsea. Et sincèrement, pour le coup, je mise souvent sur Marseille. Là, je vais miser sur Chelsea. Chelsea, c'est une grosse équipe. Non, franchement, c'est énorme. Mais oui, comparé à Marseille, oui. Faut miser sur Marseille là. Parce que s'ils font une surprise de ouf là. Ouais, mais la cote de Chelsea est plus haute. Ah, ils sont Marseille favori. Et Marseille est favori, ouais. Donc, mais Drogba est de retour, donc après il faut voir. Vous pouvez m'expliquer. Je suis désolé si on a un petit peu de temps, ouais, les cotes, parce que je comprends rien. Bah, plus la cote est haute, ça veut, enfin, techniquement. Mais c'est qui la met la cote? C'est des sites, c'est au niveau de la mise. Voilà, c'est ça, c'est les probabilités qu'un match a plus. Plus le match est sûr de gagner, genre une équipe comme Barça. Barça qui joue contre une ligue de petite division ou des branleurs, tu sais très bien qu'ils vont les battre à plat de couture. Donc la cote, elle sera. Elle sera haute, ça veut dire que si tu mets 1 euro, si la cote est à 10, tu mets 1 euro, tu prends 10 euros. Si elle est à 1,60. C'est de jouer pour les gens qui vont perdre. Si les gens qui ont le moins de mise sur eux. Le moins de mise sur eux gagne, ben toi tu vas remporter plus. Voilà, concrètement c'est ça. Donc là, Marseille, la cote de demain est à 2,10 et Chelsea est à 2,65. Ça veut dire que si tu mets 10 euros sur Chelsea et s'il gagne, eh ben tu prends 26,50€, et si tu mets sur Marseille et il gagne, tu prends 21€. En gros, plus une équipe a sa cote vers 0, plus elle Vers 1, parce que techniquement ça veut dire sinon tu perds de l'argent. Vers si 1, elle gagne, c'est quand même dommage. Plus elle a une cote vers 1, plus elle est favorite. D'accord. Voilà, là par exemple demain il y a Arsenal face à Belgrade, hein, Partizan Belgrade, Arsenal t'as 1,03, donc aucun intérêt. Voilà, mais genre Coupe du monde Brésil Corée du Nord, c'était genre des cotes de 20-1. Voilà, en gros, tu jouais sur le Brésil, tu gagnais, tu mettais 10 euros, tu gagnais rien, parce que ça te rapportait rien, en fait. Parce que forcément, ils étaient favoris. Par contre, si tu misais sur la Corée du Nord, bah, tu gagnais, genre, en cote 40, bah, 40 fois. Mais ça veut dire que si tu mises sur la. Elle va jamais jouer, donc. Mais si tu jouais, si tu misais sur la Corée du Nord, en sachant très bien qu'ils allaient perdre, pourquoi tu jouais pour eux? Non, mais, parce que t'as l'argent à risque. Voilà. Là, je t'explique juste un seul truc, j'ai déjà répété, mais on va pas faire 107 ans là-dessus. Avant, parce qu'avec Fredo, en général, avant, il me donnait les équipes qui gagnaient ou qui perdaient. Bon, bref, de toute façon, il se trompait aussi, comme ça peut arriver chez tout le monde, évidemment. C'est pour ça, maintenant, je préfère le faire moi-même, comme ça. Sans lui demander son avis comme ça. Si je me lose, bah je me lose, c'est ma faute, tu vois. Tu peux pas dire putain, fais chier, j'aurais pas dû l'écouter. Non, tu vois, maintenant je m'écoute moi. Si je perds, je perds. Si je gagne, tant mieux. Il y avait France-Chine. La cote de la France, c'était une cote de merde, style 1,20. Donc tu devais mettre 100 euros, t'en gagnais deux, quoi. C'était de la merde. Et donc du coup, 20, pardon. Voilà. Et la Chine était à 18. J'avais mis beaucoup. J'avais mis tout ce que j'avais gagné, c'est-à-dire j'avais mis 100 euros, je crois, sur la France. Putain, voilà que c'est les Chinois qui gagnent. Oh la merde. J'aurais mis 100 euros sur les Chinois, j'aurais pris 1800 euros. Putain, fané. Et là, mec, j'étais dans un état de nez. Oh, lui, il avait dû mettre, je sais même plus combien il a mis, je crois qu'il a mis 500 euros sur la France. Putain. C'est drôle. J'étais dans un état de nerf. Tu m'étonnes. Surtout si ton premier coup de cœur, c'était pour la Chine, quoi. Bah, t'as toujours cette hésitation, mais ouais, tu te dis, bon, c'est improbable. Mais c'est un peu la même sensation comme quand tu joues au loto à un chiffre près, quoi, t'es dégoûté. Ouais, bah voilà, c'est à mon parrain, j'ai eu le coup par exemple, il a joué les 6 bons numéros, sauf qu'il était un à côté à chaque fois. Oh, les nerfs. Il a joué le 18, c'est le 19, il a joué le 27, c'est le 28, c'est 28. Enfin, tu vois, tout à côté, quoi, putain, et lui aussi, t'es dans un état de nerfs, tu m'étonnes. Enfin, bref, bon, Elisabeth qui était là, il comprendra évidemment dans le Corsica Show, ce sera d'ici quelques minutes, et puis on parlait tout à l'heure de massacre en Amérique. Avec le mec qui a tué sa femme, ouais. Parce que il s'entendait pas sur le prénom de leur gosse. Et la nouvelle preuve d'amour, et ça c'est beau. À 107 ans, le mec il a fait quelque chose comme par amour pour sa femme. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, 107 piges le mec. Sa femme était déjà morte? Non. Ça, 107 ans, il a pris du Viagra alors que c'était. Et il a fait une crise cardiaque. Non, ouais, alors que ça lui était déconseillé. Il a quand même pris du Viagra pour une dernière fois. Attends, ça va être trop beau parce que moi, quand ça touche les grands-pères et les grands-mères, c'est trop mignon. C'est-à-dire qu'on est au-delà des grands-pères. 107 ans, il a le papy. 107 ans. Et donc, il est marié à une meuf depuis 92 et elle a 46. Elle a 46 ans, sa cadette, pardon. Ah, il est blindé, le mec. Ouais, sûrement. Donc, et c'est lui qui a fait un truc pour elle. Ouais. Il s'est fait tatouer. Non, il lui a donné un rein. Non, il a enlevé son dentier pour lui manger le minou. Non. Il s'est fait circoncire. Ah, mais quelle horreur. Il s'est fait tirer son sexe parce qu'elle en voulait plus. Est-ce que c'est sexuel, Michael? C'est pas sexuel. Il s'est tué? Non. C'est financé? Il a braqué une banque à 107 piges. Non. Il a sauté en parachute. Non. Est-ce que c'est un truc physique? C'est physique ou pas? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est la chirurgie esthétique? Non, c'est pas la chirurgie esthétique, non, c'est pas physique. Il a congelé des spermes lui appartenant. Non. Ça aurait pu être pas mal. Mais on a dit que c'est pas sexuel, donc ça a rien à voir de. C'est pas physique? C'est pas physique. C'est pas sexuel. Est-ce que c'est sur un héritage? Est-ce que c'est sur une assurance vie? Non, c'est sur une habitude. Il a arrêté cette habitude. Ah, il a arrêté de fumer? Il a arrêté de fumer, par amour. Oh, énorme! À 107 ans. Trop mignon. Eh, 107 ans, c'est pas mal quand même. Hein. Mais attends, ben alors tu vois, ça fausse toutes tes idées sur la cigarette. Le mec, il a 107 ans, il est pas mort. Ça se trouve, il a commencé, il avait 105 ans. C'est vrai. C'est pas con. Eh, il est pas obligé d'avoir commencé à 20 piges. Hein. Oui, mais alors c'est pas une très belle preuve d'amour si ça fait 2 ans qu'il fume. Cela dit, je n'ai jamais dit que le fait de fumer provoquait la mort à 100%. Oui. C'est pas vrai. Non, d'accord. C'est juste que t'as plus de chances de façon de parler quoi. Donc voilà, belle preuve d'amour quand même pour le papy de 107 piges quand même. Hein. Franchement, pour le coup, ouais. Hein, parce que, c'est pas mal, effectivement. Surtout qu'au point où il en est, il peut les bouffer les clopes. Ah bah, c'est à dire que même les dents. Ah bah il va plus rien lui rester le malheureux. Hein. Il y a des mecs qui sont bien. Oui, non, surtout en Chine. J'avais vu un mec, un papy, il avait 103 ans. Le mec il partait labourer son truc, il revenait avec des sacs de riz. Il va labourer sa meuf hein, de 46 ans sans sa cadette. Ah non, ils font pas l'amour les papys. Tu sais que les vieux ils aiment bien. Hein. Ouais, mais je veux pas savoir, ça me dégoûte. Ah ouais, j'avais vu un truc, c'était dans une maison de retraite, ils s'étaient rencontrés. Et du coup, ils étaient amoureux, ils se rejoignaient le soir dès que les surveillants étaient passés, ils se rejoignaient pour baiser dans les chambres. C'est trop drôle, il y a un film trop beau comme ça. Tu vois pas? Non, c'est N'oublie jamais. Ah ouais, N'oublie jamais. C'est extraordinaire, ce film. C'est un des plus beaux films du monde. J'ai pas vu pour le coup. N'oublie jamais, c'est une des plus belles histoires d'amour. Ah ouais. Regarde-le, mais franchement, Michael. D'accord. Il est fabuleux. Eh bah, très bien, j'essaierai de voir. D'ailleurs, c'est dans ce film que la dernière fois, vous moquiez parce que je disais que je trouvais trop beau Ali comme prénom pour une fille. A2LIE. Eh ben, parce que la fille dans ce film, elle s'appelle Ali. Je trouve ça trop beau. Et le mec, il s'appelle Noah. Et je trouvais ça trop beau aussi. D'accord. Voilà, ils sont beaux les tous noix, les deux. C'est j'adore ce prénom. Moi, je voulais appeler mon fils comme ça, mais il y en a eu trop des noix. Ça m'a gonflé. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Tiens, Mika, il va y avoir le but là pour le premier but du Barça. Là. Ah, bah ça y est, j'ai rasé. Ah bah tu l'as raté. Ah bah putain, il vient de passer là. Putain, mais que le con, il a vu. Ouais, c'est dommage hein, pour le coup. C'est malheureux. Et pour eux, c'est une rediffusion là. Non, ouais, c'est en différé là. Ils sont la 50e. Ouais, à peu près, ouais. Bon, allez, on va se mettre la pub derrière. Le son de la cave, c'est Kevo avec Champagne. Et puis bien sûr le Corsica Show qui arrivera juste après. Restez bien là. Et voilà le son de Kevo, à l'instant, c'était Champagne sur Goom Radio. Et puis un message Antoine cool, qui a dit canon rock. Je kiffe cette musique. Ce guitariste, il est plutôt bon. Effectivement, il était pas mauvais. Je peux vous confirmer. Maïs aussi qui dit j'adore le son. Very good song. C'est Pauline qui avait envoyé le message. Bon, bah, merci à vous hein, d'avoir commenté tout ça sur facebook.com/MIKL officiel. Et puis bonne nouvelle pour Mika, c'est sur Canal Plus maintenant qui commence à rediffuser le match du Barça. On recommence au début. Donc, hein, ça y est, c'est reparti pour la troisième fois. Ah, bah d'accord. J'ai compris pourquoi ils ont mis que deux buts. C'était les tout petits, c'est les petits Barcelonais qui jouaient. Il est mignon. Ouais, bah il est petit surtout, hein. C'est un petit jeune. Oh, putain. Oh, il s'est pris un cul en pleine gueule, hein. C'est-à-dire que. Ah, lui, il s'est pris un beau cul en pleine gueule. Faut voir les images si vous avez Canal, là, c'est violent. Fracasser la gueule. Bon, allez, c'est parti maintenant pour le Corsica Show, on y va. C'est notre et sur Goom Radio. Eh oui, comme tous les soirs sur Goom Radio. Bon, ce soir pas de dédié parce que j'ai eu un petit problème sur ma page Facebook. Donc je passe le bonjour à tous les fans de la page. Oui, Facebook puis, a supprimé son compte. Ouais, c'est sous ta demande, il me semble. Ah non, pas du tout, c'est juste des gens sérieux. Non, on m'a dit c'est Michael et non, non, non, que non, l'on, non, l'on supprime ta page. Non, non, c'est juste des gens sérieux. Donc j'ai décidé de saboter la tienne, mais oui, c'est oh pas bah, grave. Bah, tu peux essayer si tu veux, mais t'as qu'à mettre une bombe. Hein? Une bombe, non, c'est, tu passes dans des clichés trop faciles, Michael. Essaye de changer un peu de conversation. Oh, dit-il avec son béret. Hein, le cliché, hein, comment ça se passe au niveau du cliché avec le béret? Oh, mais là, au contraire, il est cliché France profonde, il est pas cliché Corse. Ah, bah, ça, c'est sûr, hein. Tu veux pas une baguette aussi? T'es venu en deux chevaux, là, non? Ouais, ouais. En 4L. Ah, ouais, deux chevaux, c'est mieux, quand même. Elle est trop belle, la 4L. Bon, allez, le Corsica chaud, là, parce que le temps passe, là, il reste plus que 6 minutes. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, donc j'embrasse tous ceux de la page Facebook Le Corse de Groom et puis n'hésitez pas hein, à appeler standard ou ouais, laissez vos dédits. Demain, elles seront transmises. On va oui, prendre... d'ailleurs, je tiens à rappeler également en exclusivité totale que dès demain, Le Corse aura sa page sur YouPorn également. Ah bon, pourquoi? Ah bah je sais pas, c'est des bruits qui courent. C'est toi qui l'as créé? Bah non, je viens de te dire c'est les bruits qui courent. Pourquoi tout de suite m'agresser et m'accuser? Toi, tu as des balances un peu. Bah c'est les bruits qui courent sur internet. Sur Facebook en l'occurrence, apparemment, dès demain, t'auras ta page sur Future YouPorn. Ah ouais, j'ai entendu ça, moi. J'ai pas, tu vois, j'ai pas de vidéo, pardon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, mais sérieusement, j'ai entendu ça tout à l'heure. Eh ben, moi, je l'ai lu, non, mais tu l'as lu sur le profil de machin. Ouais. Ouais, mais sera le profil de qui? Ah non, je vais pas dire à l'antenne. Non mais paraît-il, bon, paraît-il. Ouais, vas-y dis, balance. C'est pas la, c'est pas grave pas non plus. Mais c'est pas grave, mec. Si t'as rien à te reprocher, c'est qu'il y aura rien. Ouais, ben je veux bien voir ça. Enfin, celui qui a fait la page, je verrai qui c'est. Et puis si c'est sympa, non, si c'est sympa, je l'ai. Si ça me plaît pas, je le fracasse. T'as non raison. C'est comme ça qu'on fait. Ah. Mais on dit, il paraîtrait que t'en as une petite. Je sais pas de quoi on parle. Ce sera le corps du porn. Petite, je sais pas, ouais, je dois sûrement en avoir une petite. Mais je sais pas de quoi on parle, c'est les rumeurs qu'il y a depuis cet après-midi. Je sais pas, hein. C'est le si corps, bah, ce sera le Corsica porn. Si tu analyses bien le situation. Le Corse fait du porno. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est clair. Bon, allez, on va se prendre Elisabeth. Elisabeth. Allô? Ça va? Bonjour, le Corse. Tu vas bien? Vous avez une toute petite pub après une chanson, une toute petite pub que moi j'ai créée. Quoi? Une toute petite publicité. Ah, tu veux faire une pub, vas-y, allez. Ouais. Hé, Mika, t'as vu, regarde ce gros Mikado avec du bon chocolat blanc. Hé, je le veux pour Cécile, Émilie, Thiers et Émilie. Hé, mais Mikado, des Mikado, restons légers. C'est nul. Excellent, ouais. Excellent. Ouais. Alors maintenant, la chanson. Allez. Il est tout blanc avec son nez qui est tout noir. Il est tout beau, on dirait une boule de neige. C'est un petit prince, une star phénoménale. Alors on dit tous ensemble, allons danser avec Chiffon. Allons danser tous avec Chiffon. On va danser comme des cochons. On va balancer plein de torchons remplis de bonbons à tous ceux qui aiment. Oh, Elisabeth, stop. Elisabeth, stop, oui, j'ai dit. Change de chanson, elle me plaît pas, c'est nul. À échange. J'ai pas d'autres chansons, le Corse. Mais oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en manques d'inspiration en ce moment, quoi? J'ai fait ça, si. Mais tu es en manque d'inspiration. D'habitude, tu as des textes assez recherchés. Mais attends, ça fait 3 jours, c'est nul, quoi. Mais attends, c'est pas de ma faute, moi. Mais moi, j'en fais plein des chansons. Attends. Eh ben alors, fais-moi quelque chose de bien. Ça fait 3 jours, je te demande quelque chose de bien. Écoute, je vais te faire. Ah oui, tiens, la chanson de Facebook, tu la veux? Allez, vas-y. Le matin jusqu'au soir, je Facebook, avec tous mes goumeurs d'amour, on Facebook. Prenez qui joue les enclés, Gaspard qui tape des cafards, et monsieur est le révolté sur Facebook. Sur mon iPhone, je cherche les plus jolies, Tania, Cécile et Émilie. Sur Facebook, le roi des canulars, c'est Pierre. Tu vois, c'est déjà mieux. Sur mon iPhone, je bouffe des Mikado en écoutant Mikado, restons légers sur Facebook. Et Michael qui rêve d'être millionnaire et Fredo, le président, sur Facebook. Et Loïc, docteur de l'huile d'olive, sur l'iPhone, il Facebook. Mon œil, il a gonflé sur Facebook. Sur mon iPhone contaminé, je trouve le corps bien enrhumé sur Facebook. Nous, les boomers, on passe à dire je t'aime sur les iPhones en Facebook. Et Elisabeth m'a épousé sur l'iPhone. C'est quand même hyper long, c'est trop long, hyper Elisabeth. C'est quand même un peu long. Hein. C'est trop long. C'est long, hein. Mais ouais. Non, une chanson, ça dure pas, ouais, c'est pas un album, une chanson. Hein. Ouais, avec une chanson, tu fais pas un album. Hein. Mais donc, sinon, elle est bien quand même, celle-ci. Ouais, elle est bien. C'est bien. Génial, ouais, génial. Voilà, tout le monde t'applaudit. Ouais, allez-y, applaudissez là. Mais tu sais, le coach, demain, je vais travailler en train de chanter. Il y a le full pour toi, là. Ouais, tu as le public, c'est énorme. Hé, Elisabeth. Hé, Elisabeth. C'est plein de gros bisous. Il y a même Vincent le standardiste qui est amoureux de toi là. Il a fond sur toi. Viens, viens lui dire bonsoir, Vincent. Viens. Ah ouais, mais vraiment, je vous adore énormément. Ah, Elisabeth, Vincent te dit bonsoir, il veut te faire un gros bisou. Un gros bisou, Elisabeth. Un gros bisou, Vincent. Et je t'envoie plein de steaks. Ah, ok, pas de soucis. Plein de steaks. Je vous aime beaucoup. Voilà, Elisabeth. Bah écoute, nous on va te souhaiter une excellente soirée, Elisabeth. Et puis à demain. Le Corse. À demain, Elisabeth. Super, au top, au taquet, Elisabeth. Oui. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. On a l'empaffé de René. René, l'empaffé. Ah ouais, j'essaie de. On m'a dit, Fred, essaie d'être moins vulgaire, donc je vais pas tomber dans le cliché vulgaire. Alors, en même temps, tu fous une porte, une page sur YouPorn. Alors si c'est pas ça la vulgarité. Non, c'est pas de la vulgarité, c'est du sexe, ça. Donc ça. Ah, donc tu vas, tu l'ouvres. Hein? Tu l'ouvres quoi? T'as bien compris. La page. T'as très bien compris ce que je voulais dire. Ouais. Bon, allez, René, il y a René au téléphone. René, ça va? Bah ouais, bah j'attends de voir demain ta sexpage. Hein, ouais. Sur YouPorn. Eh ben écoute, on m'a appris ça, je ne suis pas au courant, mais on verra bien. Eh ben, je vais te dire que ça va être sacrément gonflé. Au niveau de ton anus, je parle. Oh. Ouais, mais bon, de toute façon... Heureusement qu'on mange bien, bien avant d'écouter René, parce que on aurait du mal à digérer, je pense. Non, moi je mange quand même. Digérer, hein. Moi je sais pas si les plats, mais par derrière, qui remontent dans la bouche. Bien sûr. Sinon, eh oui. Quelle horreur. À part ça. Cette semaine était un peu trop. Dis-moi, René, juste une question comme ça, parce qu'on m'a dit que tu étais marié, mais tu dois être en manque, tu fais rien avec ta femme. Ah non, mais moi, ce que je veux, moi, c'est de bourrer ton cul, le corps, c'est tout, hein. Ben oui, non, mais d'accord, mais tu as une femme qui te sert à rien, quoi. Ma petite Ronée, hein? Moi, je lui dis des mots d'amour. Oui, bien sûr. Tu lui dis quoi comme mot d'amour? Va te faire enculer à ta femme. Ah non, ma douce, c'est la vaisselle, ma douce. Oh, oui, plus vite, ma douce, c'est la vaisselle. Oh, c'est encore plus bien, la vaisselle, ma douce. Oh, qu'est-ce que j'aime bien. Eh ben, tu vois. Tu sais faire quand tu veux. Mais toi, c'est parce que tu dois être assez con. Ouais. Voilà, René. Bon, René, bonne soirée. À demain. Ciao, ciao. Et puis nous, c'est terminé. Demain soir, Michael, hein, dès 20h. Et puis, bah, voilà, grosse matinale, 7h. Et en retard. Exactement. Hein. Voilà, et en retard. Et ouais, comme c'est d'habitude. Ta faute, ça, Michael. Non, mais il faut que tu regardes plus Michael quand il te parle. C'est ça, je lui fais des signes. Si je pourrais faire atterrir un avion et autre, il voit rien. Quand vous entendez ça. C'est qu'on est vraiment en retard. Allez, passez une bonne nuit tout le monde. Bisous, regarde bisous, demain, bisous, ciao, à demain. Rihanna maintenant, What's My Name, ciao.